Donc, nous avons en tout cas le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rasmik Cheyan, qui est maître de conférence à l'Université de Paris-Sorbonne et dont les thèmes de recherche, le domaine de recherche porte sur la sociologie de la connaissance et sur la philosophie des sciences sociales. Alors, il a notamment publié Le constructivisme des origines à nos jours aux éditions Hermann en 2007 et plus récemment donc Hémisphère gauche, une cartographie des nouvelles pensées critiques aux éditions Zone en 2010. Donc il est par ailleurs l'auteur de plusieurs contributions sur l'identité personnelle, social, sens commun, réalité sociale. Il a aussi animé et dirigé un numéro spécial de la revue Critique consacré aux pratiques et aux représentations du piratage dans la culture contemporaine. Et donc, il va nous parler aujourd'hui de la nouvelle cartographie des pensées critiques. C'est le titre, la conférence recoupe le titre du livre. Et donc, il a une heure, trois quarts d'heure, une heure, comme il veut, pour présenter un peu les enjeux, la problématisation, les concepts, etc., de propos. Et puis, nous discutons pendant une heure tranquillement. Voilà, je lui cède tout de suite la parole et je le remercie vivement d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Mon exposé comportera deux parties. Je commencerai par dire quelques mots du questionnement général qui sous-tend mon livre, Hémisphère gauche, du projet général duquel il participe, qui n'apparaît pas forcément explicitement, mais qui en constitue en quelque sorte l'arrière-fond. Ce questionnement renvoie à un problème classique de la sociologie, comme je vais le dire. Dans un second temps, je tâcherai de présenter quelques-unes des principales caractéristiques des pensées critiques contemporaines, en essayant à la fois de les distinguer de certaines pensées critiques du passé, par exemple le marxisme, ou certaines variantes de marxisme ou le structuralisme, et d'identifier aussi certains processus sociaux qui influent sur la production de pensées critiques à l'heure actuelle. Entre-temps, j'aurai eu aussi l'occasion de définir un peu ce que c'est que des pensées critiques, qui est une expression pour le moins vague, dite comme ça. Première partie. La question qui en dernière instance sous-tend cet ouvrage, Hémisphère gauche, c'est de savoir quel rapport les mouvements sociaux, et particulièrement les événements révolutionnaires, entretiennent avec les idées radicales. Est-ce que les révolutions ont pour cause des pensées ? Peut-on par exemple considérer Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire, Lamétrie ou des penseurs de moindre importance que ceux-là, comme ayant contribué par leurs écrits au surgissement et au déroulement de la Révolution française ? Peut-on considérer Marx et Engels comme, en quelque manière, causalement responsables, pas moralement, mais causalement responsables, de la révolution russe, ou encore le libéralisme comme causalement responsable de l'effondrement du mur de Berlin? Est-ce qu'au contraire, la pensée est étrangère aux révolutions et aux mouvements sociaux, dont il faudrait trouver les causes dans d'autres instances, par exemple, dans des bouleversements économiques ou géopolitiques? C'est une question passionnante, très fréquente chez les sociologues classiques, par exemple chez Max Weber, qui a à peu près complètement disparu de la sociologie contemporaine, pas de l'histoire, j'aurai l'occasion d'y revenir, pour des raisons qu'il faudrait analyser. C'est une question qui se situe au croisement de l'épistémologie des sciences sociales, de la philosophie des sciences sociales, de la sociologie de la connaissance, et aussi de la sociologie des mouvements sociaux. En somme, dans quelle mesure les idées ont-elles une influence sur les mobilisations collectives? Cette question très classique, elle a été abordée par de nombreux auteurs, comme je l'ai dit. Elle a été par exemple par Tocqueville, soutient dans l'Ancien Régime et la Révolution que la Révolution française est en partie, pas exclusivement, mais en partie, le produit du goût des Français pour la philosophie et la spéculation abstraite, ce goût lui-même étant le fruit d'une culture littéraire ou d'une politisation de la littérature, comme il le dit, particulièrement développée dans ce pays. Cet argument de Tocqueville est en fait repris par Tocqueville à Edmund Burke, qui en propose une variante dans ses réflexions sur la Révolution en France. Plus près de nous, François Furet, un héritier de Tocqueville, sur le plan d'ailleurs aussi bien politique que épistémologique, a repris à son compte cet argument en l'appliquant à la Révolution française, notamment dans Penser la Révolution, mais aussi à ce qu'il a appelé dans Le passé d'une illusion l'idée communiste au XXe siècle. L'idée, et j'insiste sur idée communiste au XXe siècle. Burke, Tocqueville et Furet sont des historiens plutôt conservateurs, mais des historiens progressistes ou même radicaux ont également abordé ce problème. La question du rapport entre la pensée et les révolutions a été par exemple posée, pour le cas de la révolution anglaise, donc les années 40-50 du XVIIe siècle, par l'historien marxiste britannique Christopher Hill, un compagnon de route de E.P. Thompson, Eric Hobsbawm, etc. Donc Christopher Hill, dans son ouvrage sur les idées radicales en Angleterre au XVIIe siècle, intitulé « The World Turned Upside Down », le monde sans dessus-dessous. Christopher Hill montre que la révolution anglaise, la guerre civile anglaise, était, entre autres choses, le produit du millénarisme et de l'égalitarisme radical qui avait cours dans des sectes religieuses telles que les Quakers, les anabaptistes, les familistes, qui donneront lieu progressivement aux levelers, aux diggers, aux renters, qui feront, eux, cette fameuse révolution. L'argument selon lequel la logique d'une idée peut conduire à l'émergence de certains régimes politiques, notamment les régimes dits totalitaires, est également classiquement avancé au XXe siècle par Hannah Arendt. Donc c'est une autre variante de cette idée. Le point de départ de mon travail, c'est ce questionnement concernant l'interaction entre les idées et les mouvements sociaux, radicaux à une époque et dans un contexte donné. Le cas à propos duquel je me pose cette question en particulier, ce sont les pensées critiques et les mouvements sociaux contemporains. Quel rapport y a-t-il, s'il y en a un, c'est pas évident, entre des penseurs comme Tony Negri, comme Alain Badiou, comme Jacques Rancière, comme Ernesto Laclos, Gayatri Spivak, la liste est interminable, c'est les héros de mon bouquin, et de l'autre côté, les mouvements sociaux actuels, par exemple le mouvement dit altermondialiste, ou le mouvement pour la justice climatique, ou encore le mouvement des indignés qui se déroule à l'heure actuelle sous nos yeux. Question supplémentaire, à supposer que des rapports existent bel et bien entre idées et mouvements radicaux contemporains, par quelle médiation passe-t-il ? Est-ce par des journaux ? Est-ce par Internet ? Dans le cadre d'instances comme par exemple le Conseil scientifique d'Attaque ou la Fondation Copernic en France, pour prendre des exemples français, toutes sortes d'instances qui se situent en quelque sorte à la frontière du champ intellectuel et du champ politique. Émir Sergouche, c'est le premier volet d'un travail qui, je l'espère, inclura d'autres livres, d'autres travaux ou enquêtes. Cet ouvrage, il se propose d'établir une première cartographie des pensées critiques contemporaines. S'il existe beaucoup de travaux consacrés aux mouvements sociaux actuels, il en existe très peu, qui analysent l'évolution des idées radicales au cours des dernières décennies. Ceci dans une perspective, disons, d'histoire sociale des idées ou de sociologie des idées. Or, si l'on veut comprendre l'interaction entre des pensées radicales et des mouvements radicaux et des mouvements sociaux, il faut bien entendu disposer d'une description aussi précise que possible des unes et des autres. Et donc, c'est à une telle analyse que j'ai commencé à m'atteler dans cet ouvrage. Si on s'interroge sur le lien entre des pensées radicales et des mouvements sociaux, on ne peut bien entendu limiter les idées en question à des grands livres et des grands auteurs canoniques ou en voie de canonisation. En se cantonnant aux théories les plus légitimes, celles qui s'expriment dans les livres et qui sont exprimées par les intellectuels consacrés, entre guillemets, on exclut indûment au moins deux types de savoirs, qui sont essentiels, me semble-t-il, pour comprendre les mouvements sociaux en général et les phénomènes révolutionnaires en particulier, et l'interaction entre idées radicales et mouvements sociaux radicaux. D'abord, on exclut indûment tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler la doctrine politique hors livre. Les revues plus ou moins confidentielles, les tracts, les bulletins de propagande, les journaux de parti, les inscriptions murales, pourquoi pas. Toutes sortes d'écrits dans lesquels s'énoncent des savoirs, certains types de savoirs, et qui évidemment prolifèrent en période insurrectionnelle. Aujourd'hui les blogs par exemple, bien entendu, dans le cadre de la révolution arabe par exemple. La prise en compte de ces écrits est naturellement essentielle. Ensuite, en limitant la pensée aux grands livres et aux penseurs canoniques, on exclut indûment tout ce qui est de l'ordre des savoirs incorporés, de l'habitus ou de l'éthos militant pour parler comme Pierre Bourdieu. Prendre la parole dans une assemblée générale, organiser un service d'ordre, installer et utiliser une imprimerie clandestine par exemple, rédiger un tract, organiser des tours de parole dans une réunion, etc. La pensée, si on décide de prendre au sérieux cette expression, cette notion, c'est aussi tout cela. En d'autres termes, c'est aussi un ensemble de savoirs et de savoir-faire militants, sans lesquels il est impossible de comprendre un mouvement social ou un épisode révolutionnaire. Je relève deux points, à propos de ces savoirs et de ces savoir-faire militants que j'évoquais. Le premier point à relever est que, bien entendu, ces savoirs et ces savoir-faire militants, cet habitus militant, évoluent historiquement. Les savoir-faire militants dont vous avez besoin pour faire la Révolution française ne sont de toute évidence pas les mêmes que ceux dont vous avez besoin pour faire la Révolution russe, la Révolution culturelle chinoise, mai 68, ou la révolte altermondialiste de Seattle de 99. Qu'est-ce qui change ? À peu près tout. Les moyens de communication, le contexte politique, géopolitique, économique, le fait que les gens sont davantage alphabétisés, appartiennent majoritairement à telle ou telle classe sociale, etc. La seconde question qu'il faut se poser à propos des savoir-faire militants, c'est celle de savoir comment les savoir-faire militants d'une époque se connectent ou interagissent avec, entre guillemets, les grandes doctrines politiques de la même époque. C'est la question, me semble-t-il, la plus difficile et la plus intéressante. Pour prendre l'exemple des années 60 et 70, quel rapport y a-t-il entre Lire le Capital de Louis Althusser, paru en 65 aux éditions Maspero, et les savoir et savoir-faire militants des militants du Parti communiste français de la même époque. Parti communiste français dont Althusser était membre, mais en délicatesse avec la direction, comme vous le savez. Quel lien y a-t-il entre la critique de la raison dialectique de Sartre, Minima Moralia d'Adorno, la société du spectacle de Debord, d'autres ouvrages encore d'un côté, et de l'autre, les pratiques militantes quotidiennes du PSU, de la gauche prolétarienne, de Vive la Révolution, de la JCR, etc. etc. Quel est le lien entre ces deux instances? Il y a évidemment une réponse simple à cette question, qui est que les militants de ces organisations que je viens de citer ont lu ces ouvrages. Ils ont lu ces ouvrages. C'est la réponse que font Luc Ferry et Alain Renaud à cette question dans leur ouvrage célèbre, La pensée 68. Ferry et Renaud imputent causalement ou attribuent causalement mai 68 et ses conséquences à ce qu'ils appellent l'anti-humanisme contemporain, dont ils voient l'origine chez des gens comme Derrida, Foucault, Lacan ou Althusser. Mais plusieurs questions surgissent dès qu'on affirme cela, à savoir, qui a exactement lu quoi en 68, ou pour d'autres épisodes révolutionnaires? Autrement dit, quelle a été, au-delà des mythes et des lieux communs, la vraie audience des ouvrages cités? Par ailleurs, les lectures ont-elles une réelle influence sur les pratiques des acteurs et des militants, en l'occurrence les pratiques des militants politiques autour de 68 ou autour d'autres épisodes révolutionnaires? Il est évident que ce n'est pas parce que des gens achètent des livres qu'ils les lisent, et ce n'est pas parce qu'ils lisent que les livres en question ont une influence réelle sur leurs pratiques militantes, sur leur comportement plus en général. Un biais que manifeste ce livre, Hémisphère gauche, mais je crois que d'une certaine manière il n'était pas possible de faire autrement pour commencer, c'est que je me suis limité, en tout cas pour ce livre, aux grands auteurs canoniques. C'est-à-dire que les questions que je viens d'évoquer ont été relativement peu posées dans ce livre, et que ce à quoi je me suis livré, c'est à une première cartographie, disons générale, des auteurs canoniques ou en voie de canonisation dans le cadre des pensées critiques contemporaines. Voilà pour la première partie, c'était une sorte de cadrage sociologique, de sociologie des idées, pour un peu comprendre l'arrière-plan de ce que j'essayais de faire dans cet ouvrage. J'en viens à présent à l'identification de certaines des principales caractéristiques des pensées critiques actuelles. Tout d'abord, l'idée même de pensée critique est évidemment hautement problématique. Cette expression, ou des expressions voisines, comme théorie critique au pluriel, n'apparaissent pas dans le lexique de la gauche radicale, révolutionnaire des années 60-70, et sans doute moins encore précédemment. La théorie critique de l'école de Francfort, au singulier et le plus souvent avec une majuscule, c'est bien entendu autre chose que les théories critiques ou les pensées critiques. Cette expression de pensée critique au pluriel ou de théorie critique au pluriel est cependant d'un usage fréquent aujourd'hui, en particulier dans le monde anglo-saxon, mais pas seulement, où prolifèrent les readers ou les introductions à la critical theory. Un exemple parmi d'autres, les éditions Verso, l'un des principaux éditeurs radicaux anglo-saxons, un équivalent en gros de La Découverte, en plus radical un peu, qui est lié à la New Left Review, donc une tradition de la nouvelle gauche anglo-saxonne, eh bien publie depuis quelques années une Radical Thinkers Series, une série ou une collection, qui inclut des ouvrages de penseurs radicaux contemporains, dans laquelle sont représentés justement la plupart des intellectuels critiques contemporains que j'évoque dans l'ouvrage. La notion de pensée critique, elle désigne des courants parfois opposés les uns aux autres, et il est très important de ne pas donner d'elle, de ne pas donner des pensées critiques, une vision qui serait excessivement homogène et intégrée. Il y a un flou sémantique qui entoure cette expression de pensée critique, qui revoit, me semble-t-il, au caractère également incertain de la période que nous traversons à l'heure actuelle, au plan des idées bien entendu, mais aussi politiquement. Ce flou sémantique, il renvoie aussi au fait, comme on va le voir plus tard, que le marxisme, qui constituait autrefois la colonne vertébrale de ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque les pensées critiques, est devenu aujourd'hui un secteur minoritaire de ces mêmes pensées critiques, alors que le marxisme, comme vous le savez, avait été pendant une longue période hégémonique au sein de l'ensemble qu'on n'appelait pas encore à l'époque les pensées critiques. Pendant près d'un siècle, le marxisme a été le vocabulaire dans lequel s'est dit la contestation au sens assez général. De ce point de vue, tâcher de cerner les pensées critiques, les situer dans l'histoire des théories générales de l'émancipation, c'est aussi cerner certaines caractéristiques de la période actuelle. Comme dirait Frederick Jameson, c'est tâcher de se donner des cartes cognitives, cognitive maps, qui sont toujours provisoires, qui sont toujours incomplètes, mais qui permettent de naviguer autant que possible dans la conjoncture actuelle. Ce que je me propose de faire ici, c'est donc d'évoquer quelques-unes des principales caractéristiques des pensées critiques actuelles. Ce ne sont pas les seules, j'insiste sur ce point, en ce sens qu'on pourrait en signaler d'autres. Et on verra que ces caractéristiques des pensées critiques renvoient aussi à certains traits caractéristiques de la période politique, de la période historique à l'heure actuelle. Une première caractéristique des pensées critiques actuelles, c'est leur mondialisation. C'est d'ailleurs le fait que ces pensées critiques se déploient désormais à l'échelle de la planète. Les corpus théoriques, qu'ils soient d'ailleurs critiques ou non, circulent entre les continents depuis toujours. Il n'est évidemment pas question de soutenir que la mondialisation des idées est un phénomène récent. Plusieurs exemples. D'abord le cas de José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, c'est le fondateur du marxisme latino-américain. Mariátegui écrit un ouvrage en 1928, donc dans les années 20, intitulé « Sept essais d'interprétation de la réalité péruvienne ». Un ouvrage qui a fait l'objet d'une traduction chez Maspero dans les années 60. Un magnifique ouvrage, que j'essaie d'ailleurs de faire republier. Si vous connaissez un éditeur que ça intéresserait, « Sept essais d'interprétation de la réalité péruvienne », paru en 1928, Mariátegui est mort en 1930. Dans cet ouvrage, Mariátegui adapte une doctrine, le marxisme, qu'il avait rencontré au cours d'un voyage en Europe d'ailleurs, dans les années 20, qui a été élaboré dans l'Europe du 19e siècle, par Marx, Engels et leurs successeurs. Mariátegui donc adapte le marxisme à l'Amérique latine, et particulièrement au monde andin, du début du 20e siècle. Et pour adapter cette doctrine, il est forcé de la faire évoluer, et par conséquent d'innover théoriquement, du fait notamment de la faiblesse numérique de la classe ouvrière péruvienne, et dans le monde andin, et à contrario de la présence massive de la population indienne dans ce même monde andin. En réalité, Mariátegui est celui qui inaugure l'hybridation entre le marxisme et l'indianisme, qui est si centrale dans l'Amérique latine aujourd'hui, par exemple du côté de la Bolivie avec Evo Morales, avec Alvaro Garcia Linera, du côté du Mexique avec tous les écrits zapatistes ou néo-zapatistes du commandant Marcos. Tout ça, ce sont des héritiers de Mariátegui, d'une certaine manière, de lointains héritiers de Mariátegui. Autre exemple de penseur critique mondialisé du passé, le caribéen de Trinidad C.L.R. James, C.L.R. James, C.L.R. James, qui écrit en 1938 un ouvrage désormais classique qui s'intitule « Les Jacobins Noirs », dont la première traduction française d'ailleurs est de Pierre Naville. C.L.R. James est à l'origine un marxiste, mais il est d'ailleurs même un trotskiste, qui a une correspondance avec Trotsky, qui vient d'être publié d'ailleurs chez Sileps, si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil à ça, c'est très intéressant. Donc c'est à l'origine un marxiste, mais les thématiques qu'il aborde dans ce livre, ainsi que sa trajectoire personnelle, annoncent déjà les courants postcolonialistes, les courants postcoloniaux actuels, qui se réclament d'ailleurs très fréquemment de lui. Dernier exemple de penseur internationaliste du passé, évidemment Frantz Fanon, qui est quelqu'un qui a beaucoup circulé entre les continents, et dont on fête d'ailleurs cette année les 50 ans de la disparition. Bref, ces quelques cas, et d'autres qu'on pourrait évoquer, démontrent que depuis toujours, les théories et les théoriciens voyagent, pour reprendre l'expression d'Edward Said, mais des théories voyageuses, et ces théories voyageuses, elles voyagent par l'entremise du voyage de ceux qui les produisent, c'est-à-dire les théoriciens, notamment. En même temps, et c'est là où je voulais en venir, on assiste depuis environ le dernier tiers du XXe siècle à une très nette accélération ou intensification de la mondialisation des pensées critiques. Alors que ces pensées étaient pour beaucoup élaborées jusqu'à présent en Europe, orientale et occidentale, on constate aujourd'hui une dissémination des pensées critiques aux quatre coins de la planète. Parmi les théoriciens les plus débattus à l'heure actuelle, on compte notamment, la liste est très longue, le Slovène Slavoj Žižek, l'Argentin Ernesto Laclau, la Turque Seyla Ben Habib, le Brésilien Roberto Unger, je ne vais pas faire toute la liste, c'est très divers. Une telle diversité est clairement inédite dans l'histoire des pensées critiques. Bien entendu, l'Europe demeure à l'heure actuelle un centre de production important de pensées critiques. Il suffit de penser à des gens comme Negri, Badiou, Rancière, Agamben, Ronette, etc. Mais il me semble clair qu'un mouvement de fond s'est amorcé au cours des 30 dernières années, 30-40 dernières années, qui tend à délocaliser la production de théories critiques vers de nouveaux pays. Un phénomène de délocalisation de la pensée critique. Un élément absolument crucial, c'est que cette mondialisation des pensées critiques, elle est indissociable de leur américanisation, de l'américanisation des pensées critiques. En d'autres termes, le monde contemporain n'est pas un espace lisse, c'est un espace plein d'asymétries et de discontinuités. Et parmi ces asymétries, il y a la domination des États-Unis, qui s'exerce non seulement dans le domaine économique, politique, mais aussi dans celui des pensées critiques. La période qui voit les penseurs que j'ai cités arriver sur le devant de la scène critique mondiale correspond à peu près exactement à celle où ils intègrent les universités anglo-saxonnes, et particulièrement les universités américaines. Cette période, elle correspond en d'autres termes à ce qu'on pourrait appeler le moment américain des pensées critiques. Tous les penseurs critiques que j'ai évoqués, y compris d'ailleurs les Européens continentaux, enseignent régulièrement dans une université américaine. Certains y ont effectué toute leur carrière, d'autres s'y sont installés plus récemment. Certains enseignent également dans des universités d'autres pays, par exemple des universités du pays dont ils sont originaires, D'autres enseignent exclusivement aux États-Unis. Mais dans tous les cas, les États-Unis les accueillent dans leurs universités, et certaines de ces universités comptent parmi les plus réputées au monde. Cette ouverture des universités américaines à l'égard des penseurs critiques étrangers s'explique par de nombreux facteurs, j'ai l'occasion d'en citer ultérieurement, mais elle s'explique notamment par le fait que les États-Unis sont évidemment un pays de migration, et notamment de migration intellectuelle, ce dont témoignent différentes périodes de leur histoire, et particulièrement évidemment la Deuxième Guerre mondiale, où nombre de scientifiques et d'intellectuels, notamment certains membres de l'école de Francfort, mais aussi des positivistes logiques, eh bien, se sont installés aux États-Unis. Bref, comme dans d'autres secteurs, on assiste à l'heure actuelle à un double mouvement de diversification des provenances nationales des penseurs critiques et d'américanisation de leur trajectoire. C'est là où je voulais. Soit dit en passant, il serait erroné d'accréditer l'idée que, du fait qu'ils évoluent pour la plupart et même tous dans les universités américaines, tous ces auteurs se ressembleraient ou qu'ils n'ont plus aucune spécificité liée à leur origine nationale. Même s'ils sont à bien des égards américanisés, leur provenance nationale continue à influer sur le type de théorie qu'ils produisent. Deux exemples. Premier exemple, Ernesto Laclau, qui enseigne en Grande-Bretagne et aux États-Unis depuis la fin des années 60. Pourtant, les théories de Laclau, et notamment la théorie de la raison populiste qu'il a développée récemment, demeurent très influencées par l'histoire argentine, et particulièrement par le péronisme, par ce phénomène politique très particulier qu'est le péronisme. En réalité, dans ses jeunes années, Laclau avait été un militant de la gauche nationale révolutionnaire péroniste. Donc il y a une influence qui continue à se faire ressentir dans les théories actuelles de Laclau. Autre exemple, Gayatri Spivak, qui consacre de longs développements dans son œuvre au sacrifice rituel des veuves en Inde, ce qu'on appelle le sati, et aux implications du sati, du sacrifice rituel des veuves en Inde, du point de vue de la théorie féministe. Donc il y a là aussi une influence sur Gayatri Spivak du fait qu'elle est à l'origine une indienne, mais très rapidement américanisée. Donc en somme, l'américanisation implique un certain degré d'homogénéisation théorique et langagière, mais cette homogénéisation n'est pas intégrale. Ce processus d'américanisation, il permet d'identifier une deuxième caractéristique des pensées critiques, à savoir le fait que ces pensées critiques ou ces penseurs critiques sont désormais quasi exclusivement des universitaires. L'heure est en d'autres termes à la professionnalisation de la pensée critique, et ceci depuis la seconde moitié du XXe siècle, au moins, même avant. Il arrive bien entendu que des syndicalistes, des militants associatifs, des dirigeants de partis, des journalistes, des guérilleros même, produisent des théories critiques à l'heure actuelle, mais dans la plupart des cas, ces pensées sont élaborées par des professeurs, et plus précisément par des professeurs en sciences humaines. Cette professionnalisation ou académisation de la pensée critique a plusieurs implications importantes, me semble-t-il. D'abord, elle explique en partie l'américanisation des pensées critiques. Que les théoriciens critiques soient aujourd'hui principalement des universitaires a pour conséquence qu'ils sont soumis aux lois générales qui régissent le champ académique mondial. Or, parmi ces lois, il en est une qui est incontestable, à savoir la domination sur le marché mondial des universités américaines, en matière de facilité matérielle, mais aussi par exemple de valorisation des œuvres. Donc en somme, américanisation et professionnalisation sont deux phénomènes qui sont solidaires l'un de l'autre. Américanisation des pensées critiques et la professionnalisation sont deux phénomènes qu'il faut comprendre, disons, conjointement. Par ailleurs, la professionnalisation ne concerne pas seulement les pensées critiques, bien entendu. Les pensées critiques sont un cas particulier d'un processus de spécialisation qui concerne, me semble-t-il, je crois que c'est évident, qui concerne tous les savoirs et toutes les activités des sciences dures aux sciences humaines. Comme l'avait bien vu Marx, une division du travail qui s'approfondit constamment est une condition de l'accumulation du capital dans le travail en général, y compris dans le travail intellectuel. Et les pensées critiques, comme d'autres types d'activités intellectuelles, sont elles aussi saisies par ce processus. D'ailleurs, il y a à ma connaissance assez peu de travaux sur cette question à l'heure actuelle, sur la question de la spécialisation intellectuelle, en particulier chez les marxistes. Or, il me semble que c'est une question absolument cruciale et qui ne concerne évidemment pas que les intellectuels. C'est une vraie question politique, en d'autres termes. Troisième implication concernant cette professionnalisation dont je parlais, c'est que la professionnalisation, elle constitue une rupture très nette par rapport à des périodes antérieures de l'histoire des pensées critiques, et particulièrement par rapport au marxisme classique, disons de la fin du XIXe siècle à la fin des années 20. Lénine, Trotsky, Rosa Luxembourg, Gramsci, Kautsky et bien d'autres n'étaient de toute évidence pas des professeurs. Ceci implique que la formation, les idées qu'ils produisent, les activités quotidiennes, mais aussi bien sûr le rapport à la politique des penseurs critiques contemporains, est substantiellement différent de ceux de générations antérieures de producteurs intellectuels. Une troisième caractéristique des pensées critiques, ou était-ce la quatrième, j'ai perdu le compte, c'est justement le lien de plus en plus distendu qu'entretiennent les pensées critiques contemporaines avec la politique effective, avec la politique concrète et réelle. Ce point est évidemment lié au précédent, puisque la professionnalisation a éloigné les penseurs critiques de la politique. Pour analyser le rapport des penseurs critiques actuels avec la politique, on peut revenir à un argument développé par Perry Anderson, le marxiste anglo-saxon britannique qui enseigne à UCLA, que Perry Anderson développe dans son ouvrage classique intitulé « Sur le marxisme occidental ». Anderson montre que l'échec de la révolution allemande, de la période 1919-1923, pour faire bref, a produit une rupture au sein du marxisme et a donné lieu à la fameuse distinction entre le marxisme dit classique et le marxisme occidental. La notion de marxisme occidental avait été élaborée au début par Merleau-Ponty dans Les Aventures de la dialectique et a été reprise et réélaborée par Perry Anderson, à mon sens, de manière tout à fait magistrale. Marxisme classique d'un côté, marxisme occidental de l'autre. Les marxistes de la génération classique, donc Lénine, Trotsky, Rosa Luxembourg, etc., disons jusqu'à Gramsci et Lukács, pour faire bref, avaient deux caractéristiques principales. D'abord, ils étaient historiens, économistes, sociologues, bref, ils s'occupaient de sciences empiriques et concrètes, disons, sciences empiriques. Leurs publications étaient pour une part d'ailleurs conjoncturelles, pour une bonne part conjoncturelles, c'est-à-dire indexées sur l'actualité politique du moment. Ensuite, les marxistes classiques étaient des dirigeants de parti, c'est-à-dire des stratèges confrontés à des problèmes politiques réels. Ces deux caractéristiques des marxistes classiques étaient étroitement liées l'une à l'autre, solidaires l'une de l'autre. C'est parce qu'ils étaient des stratèges politiques que ces penseurs avaient besoin de savoir empirique et concret pour prendre des décisions. A l'inverse, leur rôle de stratège nourrissait leur réflexion de connaissances empiriques et concrètes de première main. Ces deux caractéristiques des marxistes classiques sont solidaires l'une de l'autre. Le marxisme occidental de la période suivante naît justement de l'effacement des rapports entre intellectuels dirigeants et organisations ouvrières qui prévalaient au sein du marxisme classique. Au milieu des années 20, en gros, les organisations ouvrières sont battues un peu partout. Le reflux qui s'enclenche alors, le reflux politique et social qui s'enclenche alors, conduit à la mise en place d'un nouveau type de lien entre intellectuels dirigeants et organisations ouvrières, avec des penseurs comme Adorno, comme Sartre, comme Althusser, comme De La Volpe, comme Marcuse, et bien d'autres, par-delà leurs différences. Les marxistes qui dominent le cycle, qui va en gros de 1924, 1925 à 1968, ont des caractéristiques qui sont exactement contraires à celles des marxistes classiques de la période précédente. Premièrement, ils n'ont plus de lien organique avec le mouvement ouvrier, et en particulier avec les partis communistes. Ils n'y occupent en tout cas plus de fonctions de direction, comme autrefois. Dans les cas où ils sont membres de partis communistes, c'est le cas de Althusser, de Lukács, de La Volpe, de Coletti, ils entretiennent avec les directions de ces partis des rapports pour le moins problématiques. Sur le second point, les marxistes occidentaux, contrairement aux marxistes classiques, élaborent des savoirs non pas empiriques et concrets, mais abstraits. Ils sont pour la plupart philosophes, souvent spécialistes d'esthétique et d'épistémologie. De même que la pratique de sciences empiriques était liée au fait que les marxistes de la période classique exerçaient des fonctions de direction au sein des organisations ouvrières, comme le montre Perry Anderson, bien de même, l'éloignement par rapport à ces fonctions de direction provoque chez les marxistes occidentaux une fuite vers l'abstraction. Les marxistes occidentaux produisent désormais des savoirs énoncés dans des langages hermétiques, inaccessibles au commun des militants ouvriers, et qui relèvent de domaines qui sont souvent sans rapport immédiat avec la stratégie politique, contrairement à ce qui se passait encore une fois dans le cas du marxisme classique. L'une des causes de la rupture entre intellectuels et organisations ouvrières est que se constitue à partir des années 20 un marxisme orthodoxe, qui fait figure de doctrine officielle de l'Union soviétique et des partis affiliés. Cette situation met les intellectuels dans une position qui est structurellement inconfortable, puisque l'innovation dans le domaine de la pensée devient par définition difficile, et elle place cette situation les intellectuels marxistes, occidentaux donc, devant l'alternative soit de faire allégeance aux partis en question, soit de maintenir leur distance par rapport à eux et de continuer à innover théoriquement. Comment situer les pensées critiques actuelles par rapport à cette distinction entre marxisme classique et marxisme occidental, puisque ce dont je parle, c'est de la situation qui succède au marxisme occidental, c'est-à-dire les pensées critiques contemporaines. Il est clair que les pensées critiques contemporaines prolongent certaines tendances lourdes attribuées par Perry Anderson au marxisme occidental. La dissociation de la théorie et de la pratique politique s'est indéniablement encore accentuée dans le cas des penseurs critiques actuels. Autrement dit, il est très rare que les théoriciens que j'ai évoqués, contemporains, soient membres d'organisations politiques ou syndicales ou d'associations, et encore moins qu'ils y occupent des fonctions de direction. Des penseurs comme Slavoj Žižek, Ernesto Laclau, Judith Butler, Frederick Jameson, s'ils ont pu à un moment ou à un autre de leur parcours faire de la politique, eh bien ils se cantonnent le plus souvent aujourd'hui à un rôle de conférencier de luxe, pour faire bref. Une exception notable est très intéressante, me semble-t-il, à ce constat, qui mériterait d'ailleurs qu'un portrait sociologique et théorique approfondi lui soit consacré, est le cas du vice-président bolivien actuel, Alvaro García Linera. García Linera est l'auteur d'études sociologiques sur la question indigène, extrêmement intéressante, ou sur les mouvements sociaux en Amérique latine. Il est l'auteur d'essais relevant de la philosophie politique, notamment consacrés à Lénine ou à Bourdieu. Et il s'est bien entendu trouvé engagé dans des processus politiques de masse, jusqu'à devenir aujourd'hui le vice-président de la Bolivie. Alvaro García Linera est de ce point de vue une sorte de marxiste classique, perdu dans une époque qui n'en produirait plus. Il a des caractéristiques qui sont exactement celles des marxistes classiques, mais à une période où il est un peu seul dans cette situation. Quatrième caractéristique des pensées critiques actuelles, c'est qu'il circule des références à bien des égards inattendues. Je me concentrerai sur l'une de ces références, qui est la référence à des courants religieux. Une série de penseurs critiques contemporains appuient leurs théories sur des doctrines ou des figures du christianisme. C'est un phénomène surprenant, mais qui là encore n'est pas tout à fait nouveau. On peut penser par exemple à l'influence de Pascal sur Lucien Goldman, lequel Lucien Goldman affirmait que l'adhésion au marxisme repose sur un acte de foi semblable à la foi religieuse, un pari. On peut penser aussi à l'étude d'Ernst Bloch, consacré à Thomas Müntzer, théologien de la Révolution. Théologien de la Révolution, c'est le sous-titre de l'étude, paru en 1921. Mariátegui lui-même, auquel je faisais référence, a consacré un texte à Jeanne d'Arc en 1929. Extraordinaire texte. Dans le cas de Walter Benjamin, c'est encore plus évident, son rapport au messianisme juif. En même temps, on peut dire que les références à la théologie étaient relativement marginales dans les théories critiques du XXe siècle. Elles étaient le fait d'auteurs importants, certes, mais n'occupant pas une place centrale dans le « canon » entre guillemets de la gauche révolutionnaire. Elles étaient d'ailleurs plus présentes dans le marxisme occidental que dans le marxisme classique. Dans le marxisme classique, la religion est bien sûr un objet d'étude. Mais une chose est de prendre la religion pour objet d'étude, autre chose est de s'inspirer de courants religieux, de figures religieuses, de théologies pour élaborer des formes de pensée critique. La situation est tout à fait différente à l'heure actuelle. Les auteurs qui invoquent dans leurs œuvres des doctrines religieuses comptent parmi les principaux penseurs critiques contemporains. Quelques exemples. Alain Badiou a consacré un important ouvrage à Saint Paul, l'un de ses meilleurs à mon sens. Il y met à l'épreuve de la figure de Paul l'idée que le sujet se constitue dans la fidélité à un événement. Un événement qui peut être d'ordre politique, scientifique, artistique ou même amoureux. Le rapport entre le sujet et l'événement est développé de façon plus systématique dans « L'être et l'événement » et « Logique des mondes », des ouvrages où figurent également des références à la pensée religieuse, notamment à Pascal. Giorgio Agamben a lui aussi consacré une méditation à saint Paul sous la forme d'un commentaire de l'Épître aux Romains, intitulé « Le temps qui reste ». Les références au droit sacré romain dans « Homo Sacer », à la tradition hébraïque ou à tel aspect de l'eschatologie chrétienne sont fréquentes dans les travaux d'Agamben. Dans « Empire », leur ouvrage, Tony Negri et Michael Hart prennent appui, quant à eux, sur saint François d'Assise. Negri a par ailleurs consacré un ouvrage au livre de Job, intitulé « Job, la force de l'esclave ». Plusieurs ouvrages de Slavoj Žižek renvoient à des problématiques religieuses. C'est par exemple le cas d'un ouvrage qui s'intitule « Le fragile absolu », qui a pour sous-titre « Pourquoi l'héritage chrétien vaut-il d'être défendu ?». Il y a une tradition pascalienne qui persiste dans les pensées critiques actuelles, par exemple dans l'ouvrage intitulé « Le Paris mélancolique » de Daniel Ben Saïd. Ben Saïd est par ailleurs l'auteur d'un ouvrage consacré à Jeanne d'Arc, comme Mariátegui, qui est d'ailleurs sa source d'inspiration, un ouvrage intitulé « Jeanne de Guerlas ». Une autre référence religieuse qui est présente d'ailleurs chez Ben Saïd, c'est la référence au maranisme. Daniel Ben Saïd a écrit une série de textes dans les années 2000, où il appelle de ses voeux l'émergence de ce qu'il appelle un communisme maran. Texte assez intéressant. Comment expliquer la présence de la théologie au cœur des nouvelles pensées critiques ? Un point sur lequel j'insiste, le rapport qu'entretiennent les pensées critiques avec la religion est très loin d'être anecdotique. Il aura un impact, ce rapport à la religion, un impact décisif sur les alliances que nourront ou pas à l'avenir les mouvements révolutionnaires ou radicaux ou les mouvements sociaux avec des courants religieux dans le monde occidental ou ailleurs. Il est évident que la manière de théoriser le fait religieux a une influence décisive sur la façon dont on agit en direction des mouvements qui en relèvent. Il s'agit donc d'une question cruciale, qui n'est pas une question abstraite et purement, disons, intellectuelle. C'est une question qui aura des impacts décisifs dans les années à venir. Je pense que dans le cadre du printemps arabe, déjà la question se pose de manière de plus en plus, disons, décisive ou accrue. Donc comment expliquer la présence de la théologie au cœur des nouvelles pensées critiques? Je me limite à deux aspects de la question, il y en a d'autres. D'abord, l'écrasante majorité des références religieuses qui sont présentes dans les pensées critiques actuelles ont trait non pas à la religion en général, mais à un problème spécifique, qui est le problème de la croyance. C'est le cas notamment des références à Saint Paul, le fameux chemin de Damas, et aussi à Pascal, la question fameuse elle aussi du pari de Pascal. La question que soulèvent ces figures théologiques, c'est de savoir comment il est possible de continuer à espérer lorsque tout semble aller à l'encontre de la croyance, quand les circonstances, en d'autres termes, lui sont hostiles. Que les penseurs critiques éprouvent le besoin d'apporter une réponse à ce problème est évidemment compréhensible, puisque les expériences de construction d'une société socialiste se sont toutes achevées de manière dramatique. Comment continuer à croire, à espérer en le socialisme, en une forme de socialisme, la faisabilité du socialisme, alors que les faits ont, à de nombreuses reprises, invalidé cette hypothèse, l'hypothèse communiste, comme dirait l'autre. La théologie, c'est évident, offre des ressources pour penser ce problème de la croyance ou de l'espérance, puisque croire à l'incertain ou même à l'inexistant est sa spécialité. Il est compréhensible, de ce point de vue, que les penseurs critiques se soient saisis de toutes sortes de ressources théoriques ou intellectuelles qui sont présentes dans diverses traditions théologiques. Donc en somme, première partie d'explication, c'est l'extrême difficulté de la période actuelle, du bilan du XXe siècle, pour faire bref, qui conduit bien des penseurs critiques à chercher des munitions théoriques du côté de la théologie, sur cette question de la croyance ou cette question de l'espérance. Comment réarmer ou maintenir ou tenir la croyance ou l'espérance dans des conditions qui lui sont radicalement hostiles. Un second aspect de la question est plus sociologique. Il est évident que la résurgence de la religion à l'heure actuelle n'est de toute évidence pas uniquement le fait des penseurs critiques. Elle leur est imposée par le monde dans lequel ils vivent. On peut débattre longtemps sur la question de savoir si on assiste aujourd'hui à un retour du religieux, ou si au contraire se poursuit le désenchantement du monde, pour parler comme Max Weber et Marcel Gauchet. Ce qui semble certain, c'est que la religion opère un retour en force dans le champ politique proprement dit, avec par exemple l'islam radical ou les courants fondamentalistes américains. Dans cette perspective, la stratégie qui consiste, comme le font certains penseurs critiques, je pense par exemple à Terry Eagleton, qui est un critique littéraire anglais, ou Michael Lovy, à disputer le fait religieux aux fondamentalistes, à démontrer que des formes progressistes, voire révolutionnaires, de religiosité existent, est une stratégie habile. Elle consiste à affronter, en quelque sorte, l'adversaire sur son propre terrain. Terrain qui est imposé par l'adversaire, mais sur lequel on va essayer de l'affronter. C'est typiquement, je crois, la stratégie de Thierry Gilton, que de proposer des commentaires, par exemple des évangiles, qui sont des commentaires qui montrent le caractère révolutionnaire, progressiste, etc., de tout cela. Dernière caractéristique des pensées critiques actuelles, et après j'arrêterai, qui est l'une des plus importantes des caractéristiques, c'est la perte d'hégémonie du marxisme en leur sein. La perte d'hégémonie du marxisme au sein des pensées critiques contemporaines. Comme théorie, il me semble que le marxisme se porte à l'heure actuelle extrêmement bien. Il est même possible de défendre l'idée que jamais au cours de son histoire, c'est une idée que je défendrai volontiers d'ailleurs, jamais au cours de son histoire, le marxisme n'a été aussi riche et stimulant qu'aujourd'hui. Sur le plan analytique, et ceci en particulier, mais pas seulement, dans le monde anglo-saxon. Dans le domaine de l'analyse économique, les travaux de gens comme Robert Banner, comme Giovanni Arrighi, comme Immanuel Wallerstein, n'ont pas, à mon sens, d'équivalent. En matière d'histoire des idées, rares sont les auteurs qui peuvent rivaliser avec l'érudition et le sens des problèmes et des concepts d'un Perry Anderson. Dans le domaine de l'histoire sociale et de la géographie, des auteurs comme Mike Davis et David Harvey, qui se réclament tous deux du marxisme, donc, explicitement, je veux dire, sont extrêmement stimulants. En sciences politiques, Benedict Anderson, Robert Cox, Leo Panitch, dans des styles très différents, écrivaient aussi des choses passionnantes. Seulement, s'il est plus passionnant que jamais, plus subtil et sophistiqué que jamais, le marxisme a clairement perdu l'hégémonie dont il disposait autrefois sur la gauche révolutionnaire ou la gauche de transformation sociale, pour faire bref. Autrement dit, pour la première fois de son histoire, le marxisme s'inscrit sur un mode minoritaire dans un ensemble plus vaste de théories qu'il faut bien appeler, faute de mieux pour l'instant, provisoirement, les pensées critiques. Ce qui domine au sein de ces pensées critiques, en France comme ailleurs, c'est une forme de post-structuralisme composé de concepts provenant des œuvres notamment de Foucault, de Deleuze, de Lacan, de Baudrillard et de quelques autres. Le post-structuralisme est par exemple dominant et très largement au sein de courants comme le post-colonialisme ou les cultural studies qui à l'origine étaient des courants qui puisent dans le marxisme et qui de plus en plus sont allés vers des formes de syncrétisme post-structuraliste. Alors une hypothèse qu'on peut faire, et je terminerai là-dessus, c'est une hypothèse mais c'est aussi un penchant personnel, c'est qu'à la faveur de la crise actuelle, une forme de marxisme revienne sur le devant de la scène et recommence à devenir non pas hégémonique mais à regagner un peu de terrain sur les pensées critiques au sens large. Pourquoi ? Parce que tout simplement le marxisme est par excellence une pensée de la crise. Voilà, je vais arrêter là. Bien, merci beaucoup. Cette conférence très claire et très éclairante qui va donner la discussion. Bon, je dirais juste que c'est un bon exercice que de faire de la sociologie des idées aussi. Mais je trouve que c'est un bon exercice de temps en temps de replacer dans le contexte social, dans l'évolution historique et surtout dans l'analyse des pratiques sociales et des inscriptions institutionnelles, le phénomène de la production des idées. C'est une manière d'ancrer un peu les idées, les producteurs d'idées dans une analyse contextuelle un peu riche. Donc bon, je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut intervenir et donc la discussion est ouverte qui pose la première question. Très bien. En fait, je me demande, alors merci pour cet exposé, très intéressant. Je me demande si on ne peut pas relativiser le constat que vous faites à partir d'une question qui est effectivement intéressante du rapport mouvements sociaux, pensée critique. Donc on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, ce qui se fait penser critique est très très majoritairement universitaire, très très abstrait, et en réalité sans grande connexion avec ces mouvements sociaux. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre dans cette catégorie pensée critique, à partir par exemple de l'exemple, à partir des mouvements altermondialistes, l'influence malgré tout d'un champ, disons, on pourrait dire journalistique, je pense, Naomi Klein, notamment. Et qui dans les écrits ne sont pas moins théoriques que des écrits de conjoncture de Trotsky ou de certains sens. Mais c'est aller là et je dis ça pas du tout pour dire que c'est génial ce qu'elle fait, mais si on est dans la sociologie, le fait est qu'elle a une influence, qu'elle était à New York au mouvement des indignés, qu'elle essaye d'incarner un petit peu ça. En France, le monde diplomatique, à un moment donné, c'est un petit peu aussi ce genre de rôle de pensée critique, mais un plus dans un monde journaliste, de Serge Alimi, ce genre de choses. Et aussi, et là aussi, je ne découvre pas du tout le contenu, mais je constate l'influence, une sorte d'essayisme, genre la Michel Onfray, ce genre de choses. Et est-ce que du coup, est-ce que la façon dont vous prenez théorie critique, de façon très, finalement, assez large, assez ouverte pour l'époque un peu classique, et de manière plus abstraite pour les groupes contemporains, ça vous tend pas à négliger un peu l'importance de ça. Oui, non, je suis entièrement d'accord. Il y a une série de figures intermédiaires, Naomi Klein, le sous-commandant Marcos, par exemple, qui a écrit énormément de choses, des choses extrêmement intéressantes, qui sont inspirées d'ailleurs de courants littéraires latino-américains comme le réalisme magique, etc. Il y a des choses vraiment très intéressantes. Onfray aussi. Il y a une série de figures intermédiaires qui ont incontestablement une influence. Mais d'un autre côté, je pense que c'est des figures intermédiaires qui sont relativement peu nombreuses par rapport au fait massif, me semble-t-il, que j'ai l'impression de constater, peut-être à tort, mais il me semble que c'est quand même assez clair, qui est que la production théorique critique contemporaine est quand même très massivement faite par des universitaires. C'est quand même très massivement faite par des universitaires. Ça serait peut-être, c'est presque un argument démographique ou quantitatif que je poserais à votre question. Il faudrait vérifier les choses, mais il me semble que les figures que vous évoquez sont quand même minoritaires par rapport à quelque chose qui se passe quand même majoritairement dans l'université. Puis juste un dernier point pour un deuxième point, c'est que il y a certes, par exemple, dans l'ouvrage de Naomi Klein sur la stratégie du choc, des éléments de conceptualisation, de montée en généralité ou d'abstraction, mais je crois que c'est quand même, d'ailleurs c'est tout à fait clair dans le cas du monde diplomatique, de Serge Alimi, de Onfray aussi dans une certaine mesure, ce qui m'a intéressé c'est les théories les plus abstraites d'une certaine manière, c'est l'abstraction quoi, l'abstraction de l'ordre de celle qui était celle des marxistes occidentaux classiques que nous connaissons tous. Donc si vous appliquez ces deux critères là ou ces deux éléments de réponse là, je pense que j'étais d'une certaine manière obligé d'orienter l'enquête du côté de l'université, parce que c'est massivement de ce côté-là que les choses se passent. Bon, enfin, juste la remarque que je voulais faire, effectivement, ils sont minoritaires quantitativement, mais en termes d'influence, par contre, c'est là qu'ils sont importants. Mais je pensais même aussi à Chomsky, par exemple, qui est un universitaire, mais dans les écrits, on n'est pas du tout. Enfin, s'expriment de façon très simple et ils sont incontournables si on veut comprendre l'influence qu'il peut avoir sur des mouvements qui sont contemporains. Enfin, tout à fait, non, absolument. Absolument, non, en réalité, il faudrait raffiner des modèles de toute évidence, c'est-à-dire il faudrait nuancer l'académisation, professionnalisation. Chomsky, c'est un cas intéressant parce que c'est quelqu'un d'effectivement très sophistiqué, mais du point de vue de ses théories linguistiques, ce qui a eu un impact énorme en linguistique et en sciences cognitives, mais dont les écrits politiques sont effectivement beaucoup plus faciles d'accès. Il faudrait complexifier le modèle, mais d'une certaine manière, je maintiendrai qu'il y a quand même une tendance lourde à l'œuvre qui est ce processus de professionnalisation, d'académisation. D'ailleurs, Slavoj Žižek s'est aussi adressé aux gens de Wall Street ces derniers jours. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité. Donc, c'est non seulement Naomi Klein a fait c'est très marrant parce qu'on voit Slavoj Žižek qui fait un discours. Et puis, vous savez que les micros sont interdits dans le machin. Donc, les gens répètent les phrases incompréhensibles de Slavoj Žižek les uns avec les autres, les uns après les autres. C'est très marrant à voir. Voilà. Donc là, peut-être que c'est une forme de réconciliation de la théorie et de la pratique à laquelle on assiste à nos yeux. Oui. Pour relativiser, sinon. Oui, tout à fait. Non, je suis d'accord avec la relativisation. Ma question, suit celle de Fabien, je me demandais si il ne faudrait pas doubler votre travail dans une sociologie des pensées critiques qui se ferait dans le domaine des luttes et des mobilisations, pour d'une part vraiment asseoir ce diagnostic de professionnalisation massive de la production des pensées critiques, c'est-à-dire voir vraiment s'il y a véritablement un monopole de la production de ces pensées dans la science universitaire, ou si on ne peut pas repérer en fait, d'autres lieux où des pensées critiques se forment, mais qui nous sont quelque part invisibles parce qu'on n'a pas forcément aussi facilement accès à ces lieux de production. Autrement dit, pour lutter contre l'objection de académico-centrisme, j'ai l'impression que. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous connaissez des travaux qui portent spécifiquement sur l'articulation entre la production très professionnelle de ces pensées critiques à l'université et la manière dont elles sont diffusées ou réappropriées ou retraduites dans les mobilisations? Parce que j'ai l'impression que souvent, il y a une division du travail très claire entre les gens, enfin, les sociologues, comme vous, qui font de l'histoire des idées, et les sociologues qui s'intéressent aux mobilisations, mais qu'en fait, après, entre les deux, les... Tout à fait. Non, à ma connaissance, il n'existe pas d'enquête de réception sur, par exemple, qui lit Žižek au Forum social mondial de Porto Alegre, etc. C'est quelque chose qui serait très intéressant à faire. Montrer comment la circulation de ces idées, la vulgarisation, entre guillemets, ou la popularisation de ces idées se fait. Il y a des travaux historiques, par exemple, sur la Révolution française, les travaux de Roger Chartier sont typiquement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui sur... Mais c'est beaucoup plus facile de le faire, évidemment, sur des épisodes révolutionnaires ou des mouvements sociaux passés que des mouvements sociaux en voie de se faire. Mais je voudrais faire ça. Je voudrais il faudrait que je fasse un ANR du coup etc, c'est très compliqué, mais il faut le faire. Il faudrait vraiment faire ça, je pense que c'est très intéressant, et le fait que ça se passe en ce moment même donnerait quelques avantages, parce que du coup il est possible de faire des entretiens comme le font les sociologues classiquement, ils arrivent à le faire. Sur la deuxième partie de votre question, ça renvoie un peu à ce que je disais de la spécialisation de la sociologie en particulier, mais plus en général, c'est qu'aujourd'hui il y a très peu de dialogue entre des gens qui font de la sociologie des mouvements sociaux et qui peuvent s'intéresser par exemple aux mouvements intermondialistes, et d'autre part des gens qui font de la sociologie et de l'histoire des idées, et qui s'intéressent, bon, un peu comme je l'ai fait là, aux conditions matérielles de production des idées. Mais ça c'est dû au fait que, depuis, je ne sais pas si en philosophie c'est pareil, mais en sociologie aujourd'hui on assiste à une sur-spécialisation qui fait que des micro-spécialistes de micro-objets discutent entre eux, ont des micro-discussions et ne regardent pas ce qui se passe à côté. Donc ce qu'il faudrait, c'est que l'ANR en question soit d'une certaine manière interdisciplinaire. Mais vous avez entièrement raison, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire. Il faudrait réfléchir à la méthodologie. Il faudrait voir le public de Michel Onfray, par exemple. Michel Onfray est quelqu'un qui a déplacé des milliers de gens dans son université populaire de Caen. Il faudrait aller voir qui va là, qui discute, etc. Et par exemple, dans les mouvements féministes, j'ai l'impression qu'il y a un gros investissement. Bien sûr. C'est un des mouvements, peut-être, dans lequel il y a bien sûr. Absolument. Investissement de certaines pensées critiques, comme ça, de l'auteur. Tout à fait. Autre exemple, les intermittents du spectacle dans leur rapport avec Foucault. Bon, c'est des gens qui se sont saisis de Foucault et qui ont essayé de trouver dans Foucault des... des choses pour penser leur propre situation. Des choses très intéressantes qui sont là. Mais là, c'est vraiment la condition de la compréhension de ça, c'est de faire des enquêtes sociologiques. Et du coup, il faut vraiment faire de la sociologie au sens de aller discuter avec les gens, essayer de comprendre ce qu'ils ont lu, ce qu'ils n'ont pas lu, et comment ce qu'ils ont lu a influé sur la manière dont ils agissent. C'est des questions très compliquées d'une certaine manière, mais une condition, pas la seule, pour répondre à cette question, c'est de faire du terrain, quoi, au sens de la sociologie la plus empirique, je pense. Ouais. Si on se prolongeait toujours dans cette série de questions, après j'en aurais d'autres, mais en fait on peut se demander si le point d'attaque du livre, c'est pas plutôt la séparation avec le monde ouvrier, parce que ce que tu décris sur la question du féminisme, on pourrait peut-être le redécrire sur d'autres courants comme l'écologie politique, où il y a peut-être des liens plus forts entre certains théoriciens et certains militants, les décroissants, voilà, ils ont volé, ils vivent, ils peuvent mis eux-mêmes. Alors que peut-être, effectivement, cette rupture-là, ce qui cadrerait bien avec aussi l'analyse du marxisme ayant été un peu abandonné. Donc finalement, est-ce que c'est pas ça le peut-être, en effet, point d'entrée? Donc l'idée, ce serait que la rupture, ce soit une rupture d'avec le mouvement ouvrier. Je sais pas, il faudrait que j'y réfléchisse, je sais pas vraiment. Mais c'est effectivement une hypothèse séduisante. En même temps, est-ce qu'il y a une différence entre le monde ouvrier d'un côté et tout le reste de l'autre? Je pense que c'est difficile à dire. Il y a par exemple dans le mouvement écologiste des parties de ce mouvement qui sont très théorisées, d'une certaine manière qui discutent de théorie, les décroissants, je pense que parmi d'autres, ça les concerne. Mais il y a aussi dans le mouvement écologiste des courants très spontanéistes, d'une certaine manière très activistes, d'une certaine manière considèrent, pas forcément avec mépris, mais avec peu d'intérêt pour la production théorique, une sorte d'anti-intellectualisme qui existe dans tous les secteurs, ou dans des secteurs si divers soient-ils. Donc je ne ferai pas une rupture si nette, quoi. Il faudrait vraiment voir empiriquement, prendre par exemple le mouvement écologiste au sens large, voir quels sont les secteurs du mouvement écologiste où la discussion théorique a lieu. Ça vaut aussi pour le féminisme d'ailleurs, ça vaut pour les intermittents, ça vaut pour d'autres secteurs, et montrer qu'il peut y avoir aussi des secteurs écologistes où la théorie n'a pas du tout lieu d'être, où les débats ne sont pas très théoriques et où c'est des attitudes plus activistes qui prévalent. Donc a priori, je répondrais sans répondre, en quelque sorte. Je pense que c'est une hypothèse qu'il faudrait creuser, mais en même temps j'ai l'impression que le mouvement ouvrier, au sens historique classique du terme, n'est pas le seul endroit d'où la théorie a été abandonnée, d'où la théorie que la théorie a déserté. Il faudrait voir. Encore une fois, c'est une question empirique, tu sais, mais il faudrait faire l'enquête. Il faudrait faire l'enquête historique et sociologique. Merci. Une question plus générale et historique, au fond. Est-ce que cette internationalisation, même si elle est relativisée dans l'ouvrage, vient pas inquiéter un peu ce parallèle entre l'analyse d'Anderson sur le passage marxisme occidental, marxisme classique, marxisme occidental, et maintenant, sans souvenir américain, de dire au fond on peut expliquer toutes ces théories de manière heuristique à partir de l'idée d'une défaite des mouvements 60-80. Et alors, si c'est très intéressant, au fond, est-ce que si on prend des... Alors, sans prendre le linéaire, qui peut-être vient un peu d'une autre époque et qui n'est pas majoritaire, des auteurs qui ont des origines, continuent à écrire en Inde ou en Amérique du Sud, échappent pas en grande partie à cette explication par les défaites des années 60-80 ou l'émergence d'une nouvelle gauche aussi en disant ça expliquer certaines choses aujourd'hui en termes de les questionnements stratégiques. On en est au fond à la question de la contextualisation historique et de la géographie maintenant, s'il n'y a pas un problème un peu. Et pour préciser un tout petit peu ma question, s'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus. Si cette rupture avec les questions stratégiques, même dans des textes très théoriques à la Spivak ou d'autres, elles ne sont pas, par exemple, pour elle ou pour d'autres, moins forte. Bon, c'est très théorique, mais les questions stratégiques ne sont pas du tout autant abandonnées, peut-être, dans ces écrits que, en effet, dans les derniers écrits des Français. Il y a incontestablement chez Perry Anderson ce que quelqu'un a appelé, je ne sais pas qui, un narcissisme de la défaite. C'est une espèce de conception du monde qui est surdéterminée par l'idée de défaite. Et donc, lui a tendance à voir d'une certaine manière, tout ce qu'il analyse, tout ce qu'il fait par le prisme de la défaite des années 70, qu'il a peut-être tendance effectivement à étendre un peu trop. En même temps, j'aurais tendance à le suivre pas mal sur cette voie, personnellement. En Amérique latine, il est clair que les mouvements indigénistes aujourd'hui, par exemple Alvaro Garcia Linera, ou les mouvements sociaux comme les piqueteros en Argentine, sont entre autres choses le produit des dictatures et donc des défaites des années 60-70. On ne comprend pas ce qu'a été la renaissance du mouvement social argentin, par exemple, dans le contexte de la crise, si on ne voit pas aussi que tout ça remonte à une histoire de moyenne portée, ou même une histoire longue, qui est faite de séquences péronistes, de séquences de dictature et de militants qui sont passés par l'ensemble de ces étapes, d'une certaine manière, ou par l'ensemble de ces épreuves. Donc je veux dire, la défaite, ce n'est pas que la défaite du mouvement ouvrier d'Europe occidentale dans les années 20, quoi. Il y a des défaites, il y en a eu beaucoup, et il y en a eu dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y en a eu ailleurs qu'en Europe. Il n'y a pas eu que des défaites, évidemment. Mais je pense que placer une histoire des idées, une histoire sociale des pensées critiques au XXe siècle, sous le signe déterminant de la défaite, est quand même un choix assez judicieux, me semble-t-il. Donc je n'irai peut-être pas aussi loin que Perry Anderson, mais je l'accompagnerai un bout quand même dans cette direction-là, parce que je crois que c'est heuristiquement, c'est très fécond comme manière de penser les choses. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que bon, je sais pas, si on prend par exemple les subaltern studies en Inde, ça devient plus compliqué d'analyser ça en termes de défaite, évidemment. Ça devient plus compliqué. Mais il y a certainement des contre-exemples. Mais je pense que dans bien des cas, d'ailleurs, les subalternes studies sont elles-mêmes, d'une certaine manière, le fruit de la mondialisation des pensées critiques de la période antérieure, marxisme occidental, histoire sociale britannique, structuralisme et post-structuralisme. Donc, indirectement, elles sont aussi le fruit de cette défaite. Donc voilà, donc j'aurais tendance à défendre un peu Perry Anderson sur ce point. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Aussi, simplement, l'exemple, si je peux préciser encore, continuer. Ouais, bien sûr. L'exemple des mouvements sociaux, par exemple, les Piqueteros, ça marche. Mais pour expliquer quelle théorie en Amérique du Sud, par exemple, latino-américaine, ça marcherait, je ne connais pas bien. Voilà, autant pour les pensées critiques qui émergent dans le cours des mobilisations, on comprend bien, peut-être c'est toujours normal. Mais est-ce que ça marche pour les théories, pour la production? Il y a tout un courant gramscien argentin, dont Laclau d'ailleurs un représentant, et dont l'histoire s'explique très bien par le fait que ces gramsciens argentins en question ont dû s'exiler au Mexique au moment de la dictature des années 70, et qu'en revenant, ils ont été conduits à soutenir le premier gouvernement de l'ouverture démocratique, qui était le gouvernement de Raúl Alfonsín, qui était un gouvernement de centre-droit. Donc c'était des gramsciens qui avaient développé ces gens comme José Arrico, je ne sais pas si ça dit quelque chose, ou Portantiero, qui sont... Il y a une très grande tradition gramscienne argentine, extrêmement féconde et intéressante, et qui a été défaite, mais je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple. Ces gens qui ont été défaits au sens physique pratiquement du terme, soit parce qu'ils ont été éliminés physiquement, soit parce qu'ils ont dû s'exiler au Mexique au moment de la dictature de 76. Et en revenant, ils ont été conduits à modifier non seulement leur pratique militante, mais leur théorie, leur conception du monde, pour les adapter à un contexte où ils ont été amenés à défendre contre, évidemment, la dictature, avec d'excellentes raisons, évidemment. Il n'est pas question de leur reprocher, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ils ont été amenés à défendre un gouvernement, disons, de ce qu'on appelle en Argentine le radicalisme, c'est-à-dire le centre-droit, quoi. Donc à défendre une transition démocratique, et y compris à avaler pas mal de couleuvres sur les crimes de la dictature. Donc là, à mon avis, c'est vraiment un exemple par excellence de défaite dans la théorie, non seulement dans les pratiques, mais d'effet théorique de la défaite, de gens qui viennent de Gramsci, radical. En fait, les Gramsciens argentins, c'est la combinaison de Gramsci et de la révolution cubaine. En gros, c'est ça. C'est le fruit de cette combinaison-là, et c'est une combinaison évidemment très intéressante, mais qui a été liquidée théoriquement et politiquement. Mais il y a des contre-exemples, hein, j'en doute pas. Il y a certainement des contre-exemples. Il faudrait les travailler et nuancer ce constat de la défaite. Quoi. Tout à fait. D'autres questions? Bon, je profite pour que vous posiez les miennes. Oui, peut-être une première remarque, une première question en même temps. Dans cette idée finalement de l'acclimatation de la théorie européenne dans le cadre des universités américaines, on a l'impression de voir un peu presque en parallèle sous-jacent quelque chose qui se fait avec l'histoire du cinéma américain. En fait. C'est-à-dire l'idée qu'un grand nombre de réalisateurs européens partent aux États-Unis, ils arrivent aux États-Unis, en fait les États-Unis leur donnent le sens du récit. Pour la mise en image, et que les réalisateurs européens, qu'ils soient anglais, qu'ils soient portugais, qu'ils soient français, etc., apportent en fait l'originalité de leur culture. Et donc ils acquièrent avec le cinéma américain évidemment un retentissement mondial qu'ils n'auraient sans doute pas eu si ils avaient simplement filmé dans leur pays ou s'ils avaient travaillé dans leur pays. Donc là, on a un peu la, On essaie de scénarios répliqués où un certain nombre d'intellectuels européens émigrent aux États-Unis sont dans les universités américaines, en fait, et en retour ont effectivement l'effet d'amplification considérable par le jeu de la mondialisation que leur donne en fait le prestige des universités américaines et la force des universités américaines. Alors, la question serait dans ce cas-là, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de tracer une sorte de ligne ou de rapport de proportion entre, du point de vue de la pensée critique, hein, je dis bien, de ce qui viendrait finalement de l'apport européen retravaillé dans les universités américaines et ce qui serait proprement local. Est-ce qu'on peut voir ce qui se dessine, est-ce que la pensée critique est majoritairement exclusivement le fait d'Européens acclimatés qui rebasculent ensuite leur production au niveau mondial, ou est-ce qu'il y a en plus sur place une véritable production de pensée critique locale? Est-ce qu'il y a une proportion entre les deux? Est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce que ça ne se dessine pas et c'est même pas la peine de poser la question si on n'arrive pas à distinguer les choses? C'est une question très difficile, ça, parce que je pense que le langage majoritairement utilisé dans les pensées critiques contemporaines est le langage post-structuraliste, pour faire bref. La French Theory, je fais bref, qui a été décrite très bien par François Cusset. Et de ce point de vue-là, d'une certaine manière, les théoriciens critiques contemporains, qu'ils soient états-uniens, américains, au sens du terme ou venant de l'extérieur, utilisent ce langage. Alors, la question, elle pourrait être formulée dans le sens suivant: est-ce qu'il existe des traditions endogènes aux États-Unis, typiquement américaines, qui ont une influence sur les pensées critiques contemporaines? Spontanément, j'en vois une, c'est le pragmatisme. Dans une certaine mesure, il y a une série de penseurs critiques contemporains qui, d'une manière ou d'une autre, se réclament de variantes de pragmatisme. Par exemple, Cornel West. Cornel West, qui est un théologien protestant, qui a lui aussi beaucoup lu Gramsci, qui s'inspire évidemment de la frange la plus radicale du mouvement des droits civiques, et qui a consacré certains ouvrages et certains articles, très intéressants d'ailleurs, à la tradition pragmatiste américaine. Et donc, il essaye d'hybrider, en quelque sorte, Gramsci, les églises radicales noires, Malcolm X, etc. Je ne vous fais pas la liste parce que c'est long. Et donc là, il y a spécifiquement une influence chez Cornel West de la tradition pragmatiste. Est-ce qu'il y a d'autres traditions, disons, endogènes, j'y mets beaucoup de guillemets, ou qui seraient typiquement états-uniennes, qui ont une influence sur les pensées critiques contemporaines? Spontanément, je ne vois pas. Mais je ne sais pas, peut-être que d'autres personnes ont des idées sur... Le mouvement écolo, dont il existe évidemment une vieille variante américaine, mais dans quelle mesure est-ce que les idées écologistes radicales développées aujourd'hui aux États-Unis sont le fruit de ça? Si, peut-être. Il existe par exemple toute une tradition écoféministe aux États-Unis autour de quelqu'un comme Caroline Merchant, qui est à Berkeley. Il faudrait creuser là, dans sa généalogie intellectuelle personnelle, pour voir si elle est influencée davantage par le mouvement de la conservation critique aux États-Unis ou davantage par une écologie radicale. Ça, il faudrait, ça, je sais pas. Là, il faudrait vraiment faire de la généalogie intellectuelle de penseurs particuliers. Est-ce que, par exemple, dans le marxisme écologique aujourd'hui, qui est très développé aux États-Unis, avec des gens comme James O'Connor, comme John Bellamy Foster, dont Amsterdam vient juste de publier un ouvrage, est-ce que chez ces gens-là, il y a une influence spécifiquement américaine de l'école du mouvement écologiste américain? Franchement, je ne crois pas, a priori. A priori, j'ai pas l'impression. Mais vraiment, encore, il faudrait creuser dans le détail, quoi. C'est une question vraiment intéressante. Dans le cas latino-américain, je pense qu'il y a là aussi des travaux à faire sur la persistance de Maria Tegui aujourd'hui. À ma connaissance, il n'y a pas trop de travaux sur cette question-là. On sait vaguement que Maria Tegui existait. En Amérique latine, évidemment, il continue à être lu. Mais dans quelle mesure, précisément, des gens comme Laclau, Garcia Linera, les gens de la théologie de la libération, etc., sont influencés concrètement par lui? À ma connaissance, il y a assez peu de travaux. Il y a assez peu de travaux. Ce qui est très intéressant avec Maria Tegui, c'est que Maria Tegui fait un voyage en Europe dans les années 20 et il est même présent physiquement en 1921 à Livourne, au moment de la fondation du Parti communiste italien, dans la même salle qu'Antonio Gramsci. Mais apparemment, ils ne se sont jamais croisés. Mais par contre, il lisait les mêmes auteurs, et notamment il lisait Sorel. Et donc, Maria Tegui rentre en Amérique latine, au Pérou, imaginez-vous, et donc il commence à élaborer ce qui sera la première variante de marxisme typiquement latino-américain. Donc il y a toute une généalogie qu'il faudrait remonter encore à avant, d'une certaine manière. En fait, comment Maria Tegui puise lui aussi des sources en définitive européennes. Bon, je sais pas si j'ai pas vraiment la nouvelle question, mais non, mais bon, je pense que c'est ça. Difficile. C'est une question vraiment très intéressante. Alors, je pense que c'est une deuxième question sur le plan de la langue qui reprend un peu la suite de celle de Vincent sur la spécialisation académique, de la production critique et le fait que de la dissociation, de la séparation relative avec le mouvement ouvrier de fond. Est-ce que là-dedans n'intervient pas fondamentalement ce qui était à titre de facteur explicatif, ce qui était au fond le ciment et la voie par laquelle une grande partie de la production théorique s'est diffusée au fond dans le mouvement ouvrier? C'est même la forme partie, quand on pense avant à ce qu'était dans les partis de gauche la fonction des écoles de partis, c'est-à-dire qui ont formé des centaines et des centaines de militants, finalement, hein, des sessions très longues, par ailleurs, avec des examens à la clé, l'obligation de la lecture des classiques, etc. Donc, on a eu là une espèce d'irrigation très forte, en fait. Et avec la crise de la forme partie, on a l'impression que c'est ça qui s'est coupé, ou ce type de voie de transmission qui s'est coupé, et où les deux univers ont commencé à voyager de manière séparée, parce que le lien ne s'est plus fait. Et du coup, il me semble qu'une question qu'on pourrait poser à partir de là, c'est est-ce que, pour revenir sur votre analyse, finalement, du rôle de la place de la théologie dans les discours de la théorie critique, est-ce que, outre le problème de l'espérance spécifique, en fait, lié à l'échec et à l'idée de dire qu'on doit pouvoir espérer même dans un monde sans espoir, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée d'une réinfusion, finalement, de l'aspect religieux dans un phénomène de mobilisation collective en l'absence de structures désormais partidaires établies formellement en cadrant les militants, etc., qui n'existent plus, on recourt peut-être aussi à ce langage théologique dans le cadre de la mobilisation collective réinfuser finalement des formes classiques de mobilisation collective qui ont beaucoup joué sur le sentiment religieux. Après tout, les partis communistes occidentaux en savent quelque chose. S'ils n'avaient pas eu cette ressource-là extrêmement précieuse, ça aurait été très difficile pour eux de mobiliser, en fait, hein, la foi dans l'avenir, les lendemains qui chantent, le gris, etc. Donc il y a tout un aspect de tentative de colmatage, peut-être de retrouver des voies de médiation qui passeraient peut-être par la réutilisation, le réinvestissement du langage religieux comme élément de mobilisation. Ça pourrait avoir aussi éventuellement cette fonction-là. Enfin, je ne sais pas, c'est une question là, pour le coup, je n'ai pas la réponse. Et donc il faudrait ensuite refonder des églises, c'est ça, c'est-à-dire des partis politiques ou des nouvelles formes politiques, c'est ça, dans un deuxième temps, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Dans l'enquête de sociologie empirique qu'il faudrait faire, il faudrait essayer de comprendre la fonction provisoire ou à venir de nouvelles formes de médiation, comme ce que j'ai évoqué, à savoir par exemple le Conseil scientifique d'attaque, ou la Fondation Copernic, ou certains sites internet sur lesquels circulent toutes sortes ou des blogs, etc., qui d'une certaine manière se substituent à la forme partie, ça c'est clair. Je pense que du point de vue à la fois du marxisme et du point de vue empirique de l'histoire du mouvement ouvrier, le parti a été le lieu effectivement de socialisation des savoirs et de colmatage, comme vous l'avez dit, de la théorie de la pratique, c'est très clair. Si vous lisez Gramsci par exemple, les cahiers de prison, la conception gramscienne du cahier de prison, du parti, c'est que le parti c'est non seulement une instance de coordination de l'action, mais c'est aussi une instance de socialisation des savoirs. Et c'est ce qui a eu lieu pendant une bonne partie du XXe siècle, avec les écoles de formation du PCF, du SPD allemand, etc. Donc ça c'est tout à fait clair. Donc tout ça fait partie aussi de la crise de la forme partie. Et donc la question est de savoir si aujourd'hui, années à venir, décennies ou siècles à venir, des formes de médiation nouvelles, adaptées à la situation actuelle, vont pouvoir se faire jour. À mon avis, c'est déjà en train de se faire d'une certaine manière, mais c'est à l'état extrêmement naissant. Donc, dans les forums sociaux mondiaux, dans les associations que j'ai évoquées, c'est un peu ça qui est, me semble-t-il, en jeu. Alors le rôle de la théologie là-dedans, peut-être effectivement cette surreprésence de la théologie dans les pensées critiques contemporaines, diminuera à mesure que les nouvelles formes de médiation se construiront. C'est une possibilité. Ça serait l'expérimentation, ça. Ce serait l'expérimentation, c'est-à-dire qu'il y a un rapport inversement proportionnel entre la teneur en théologie des pensées critiques et le degré d'organisation et de socialisation des savoirs. Mais là, du coup, il va falloir faire une enquête empirique, disons à long terme, sur les 20 ou 30 dernières années, pour voir comment on effectivement. Il faudrait mettre en place des indicateurs, pourquoi pas. À mon avis, ça ne doit pas être complètement impossible. Il faudrait voir. Il faudrait compter les références, faire de la bibliométrie. Combien de fois Saint-Paul est cité, et puis Saint-Paul c'est vraiment la vedette de tout ça, évidemment, avec Pascal. Et puis il faudrait voir le nombre des membres d'associations et voir si c'est un rapport inversement. Non mais en tout cas, c'est, à mon avis, c'est une thèse vraiment féconde. Je trouvais ça très très intéressant et très instructif, mais j'avais une question très naïve peut-être sur la méthodologie. Mmh. Parce que quand on parcourt l'ouvrage, on a le sentiment, moi j'attendais avec sociologie des idées le label comme ça, peut-être plus d'outils statistiques, et en fait j'ai l'impression que c'est un ouvrage qui a mis chemin, des fois entre histoire des idées, peut-être philosophie aussi, et sociologie. Donc dans quelle mesure est-ce aussi, comment vous avez travaillé, parce que vous parliez d'enquête empirique, etc. Mmh. Et peut-être une deuxième question qui est liée, c'est... De Pierre, des fois sur ma chaîne, c'était est-ce que vous avez parlé d'académisation et ouais. En fait, est-ce que vous n'êtes pas aussi beaucoup concentré sur un objet qui est en fait les plus que l'académisation, plus précis, les sciences humaines et les philosophies, et il y a d'autres disciplines qui sont peut-être sous-représentées, je sais pas, hein, comme l'éthologie, les sciences biologiques, les biologistes qui en fait développent aussi une pensée critique importante. Je pense à Ernest ou Marc Bekoff ou des gens comme ça qui en fait développent aussi une forme de pensée critique. Alors, sur la première question, moi je, là, c'est y compris des questions de trajectoire personnelle. J'ai été formé dans une UFR de philosophie-sociologie à Paris 4 où c'était les deux, quoi. Et j'ai fait une thèse d'épistémologie des sciences sociales. Et donc, du coup, j'ai été habitué à travailler à la fois avec un pied dans la philosophie et un pied dans la sociologie. Donc voilà, c'est presque des déformations professionnelles dont on ne sort pas. Mais c'est aussi un projet, je trouve, que chez les classiques de la sociologie, par exemple chez Durkheim, chez Weber, chez Simmel, il y a une vraie attention à la théorie, une vraie intersection des deux, de la sociologie et de la théorie. On fait à la fois de la théorie et de la philosophie, et on mobilise des savoirs historiques empiriques et de la sociologie empirique. Tout s'est complètement perdu dans la sociologie contemporaine. Si vous lisez la Revue française de sociologie aujourd'hui, la teneur en théorie de la sociologie contemporaine, en France en particulier, est à peu près nulle, me semble-t-il. Ça explique en partie la raison pour laquelle la sociologie est devenue une discipline assez soporifique. C'est un avis personnel. Donc il y a mon avis à ça. Mais c'est d'ailleurs, dans le monde anglo-saxon, c'est pas tout à fait le cas. Si vous prenez, par exemple, pour me référer à des traditions qui ne sont pas exactement les miennes, mais par exemple quelqu'un comme John Elster, qui est évidemment aujourd'hui professeur au Collège de France, mais qui a longtemps évolué dans le monde académique, universitaire états-unien, je veux dire, sur la côte Est, à Columbia en l'occurrence, bon, c'est quelqu'un qui est un pur théoricien d'une certaine manière des sciences sociales. C'est quelqu'un qui fait à la fois de la psychologie expérimentale et de la sociologie, et de la théorie politique et de la philosophie. Et qui est quelqu'un qui a une réputation très importante aux États-Unis, qui est reconnu comme tel. En France, aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent à ce type de figure. Je trouve ça un peu dommage. Une deuxième partie de cette même réponse, c'est que moi j'ai aussi avec ce bouquin un objectif politique, pour ne rien me cacher, c'est que j'ai l'impression qu'il faut mettre à disposition dans la mesure du possible, pour justement susciter de la discussion, une série de savoirs très abstraits d'une certaine manière, et les mettre à disposition dans l'espace public et politique, disons, qui est celui par exemple du mouvement altermondialiste, du mouvement pour la justice climatique. Donc il y a une intention politique aussi, pour le dire tout à fait clairement, derrière ce bouquin. Et donc... dans le travail que j'ai fait, il y a l'idée de sélectionner ce que moi je considère comme étant les auteurs les plus intéressants, en tout cas certains d'entre eux, et donc il y a évidemment un choix qui a été fait, qui est un choix en partie subjectif et peut-être contestable, et puis il y a ensuite une espèce de tentative de prémâcher un peu le travail pour dire voilà un peu la cartographie, moi, je suis pour prendre au sérieux le mot cartographie, je pense qu'une cartographie c'est ce dont on a besoin et ce qu'on essaie de se construire quand on est dans un endroit qu'on ne connaît pas, et je pense qu'on est typiquement dans un endroit qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle, dans une phase de transition en d'autres termes. Et il faut qu'on essaye de se donner des cartes provisoires, des cartes. Il peut y avoir des cartes rivales, concurrentes, mais c'est un peu ça l'intention, quoi. Il y a aussi l'idée que c'est des théoriciens qu'il faut discuter, contester. C'est aussi une forme de médiation, d'une certaine manière. Voilà. Donc ça, c'est... Deuxième point sur la science, c'est clair, mais là, c'est... Alors, je parle rapidement de gens qui ont des formations scientifiques, par exemple Vandana Shiva, qui est à l'origine une biologiste qui a beaucoup travaillé sur la biopiraterie en Inde. Mais je ne consacre pas un chapitre entier à elle, mais je pense que c'est quelqu'un d'important et d'intéressant, critique de la biopiraterie. Donna Haraway a une lointaine licence en biologie, mais lointaine. Donc elle est biologiste de formation. Je ne sais pas ce qui reste vraiment de ça dans ses travaux, pas grand-chose me semble-t-il. Mais bon, et, aussi rapidement de Testar et de sa chronique dans la décroissance, mais là peut-être qu'il faudrait faire un bouquin en soi, quoi, pour voir dans quelle mesure les scientifiques aujourd'hui se politisent ou ne se politisent pas et quelles sont les conditions de repolitisation de la science d'une certaine manière. Là ça devient beaucoup plus compliqué évidemment parce que les conditions de production de la science sont spécifiques, quoi. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis la science aujourd'hui est soumise au marché peut-être encore plus que les sciences humaines. Et donc, je pense que les conditions de la création de l'innovation en biologie, etc., c'est vraiment peut-être un sujet en soi, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez, enfin, ça a donné la fameuse articulation avec les. On est à moins une tentative de généralisation et d'abstraction avec ce genre de chercheurs-là et de monde académique, j'ai le sentiment. C'est vrai que tu parlais des agronomes, mais Shiva, il me semble qu'elle était à Nanterre. C'est possible. Venue à Nanterre pour c'est possible. Elle travaille sur l'agronomie. Risque à Osa. Ah bon? Il me semble, je ne veux pas faire d'erreur. C'est une bonne nouvelle. C'est vrai que c'est des gens qui sont peut-être plus à même de faire cette médiation entre. Oui, parce que l'agronomie est branchée sur les problèmes d'OGM et tout ça qui sont immédiatement perceptibles, mais c'est un cas particulier. Est-ce que la physique des particules est dans le même cas? C'est finalement plus compliqué. La biologie est. Comme on assiste aujourd'hui à une marchandisation du vivant qui est une des tendances actuelles du capitalisme, il est évident que les biologistes, ou en tout cas certains d'entre eux, sont en première ligne pour mettre leur savoir au bénéfice des résistances, de ceci et de cela. Et Vandana Shiva est, me semble-t-il, un produit de ça. Mais ça vaut, est-ce que ça vaut aussi pour les chimistes, pour... Vous avez mentionné l'éthologie. Est-ce que, alors peut-être que, alors là, du coup, je ne connais pas du tout, mais il y a peut-être des courants critiques en écologie. En éthologie. Ouais. Ah bon, je pensais à Marc Bekoff. Ok, je connais pas. Qui a travaillé sur le jeu animal et qui typiquement. Excellent. Ah, mais en tout cas, il représente une forme de pensée critique. Comment ça s'écrit? B-O-K-O-K. Ok. Éthologie. Bon, c'est bien. Ça, c'est des trucs que je connais pas. C'est une candidature d'animal qui est ouais. Je fais rapidement mention de ça dans Donna Haraway, mais par exemple, il y a un auteur comme Peter Singer, déjà comme ça, c'est des gens que j'aurais pu évoquer. Mais là, vous auriez pu dire, par exemple, vous auriez pu passer dans les pensées réactionnaires. C'est tout un débat. C'est un utilitariste. C'est confus. C'est confus, mais pas inintéressant, dirons-nous. Si je peux rebondir sur ces questions, c'est aussi le problème de la définition de départ qui n'est pas un problème. Il faut s'en donner une. Une théorie critique, il indiquait qu'elle doit être très générale. Ouais. Mais bon, après, de fait, dans le livre, on a aussi des théoriciens qui n'ont pas cette visée généraliste. Et on sent des fois vos préférences vont vers ces théoriciens les plus généralistes, comme David Harvey. Il y a deux, trois remarques où il manifestait clairement que lui prend en charge globalement un certain nombre de problèmes que d'autres ne prennent que particulièrement. Donc, par exemple, le Shiva, c'est, je ne suis pas sûr qu'elle ait une théorie critique capitaliste qui soit issue de son point de vue particulier, qui serait celui de la biologie. Alors Bekoff, c'est pareil, je ne connais pas, mais est-ce qu'il remonte jusqu'à une critique du système dans son ensemble ? Mais chez Shiva, il y a quand même une vision du monde, qui n'est pas une conception totalisante du capitalisme, etc., mais comme, disons à la mode Harvey, disons. Mais il y a quand même une vision du monde et une espèce de défense de... Sans doute, il faudrait effectivement... vous avez raison de signaler que parmi les auteurs que j'évoque, il y a des degrés de totalisation, de généralité qui sont évidemment divers. Il y a des gens qui sont plus du côté des sciences sociales et d'autres qui sont plus des philosophes abstraits, généralisants, etc. Ça, c'est tout à fait clair, ça, je le reconnais. Mais d'une certaine manière, c'est inévitable. Moi, je me posais la question de savoir pourquoi un certain nombre de courants étaient éliminés. Ça rejoint un peu la question de Christian sur des courants critiques qui seraient plus locaux, en tout cas anglo-saxons, américains. Alors je m'étais dit, peut-être parce qu'ils n'ont pas ce même rapport à l'empirie que ceux qui sont évoqués dans le livre, ou alors qu'ils n'ont pas ce degré de généralisation, mais c'est encore pas vrai pour tous. Enfin, moi, je sais pas, je pensais à des courants de type égalitariste radicaux. On a une petite incursion du côté du marxisme analytique, mais parce que justement c'est un sociologue et que il y a ce rapport à la construction de la classe, etc., Olin, mais on n'a pas en fait les autres représentants du courant, ou alors pour dire que ils se sont tellement éloignés qu'ils ne sont plus. Mais ce qui n'est pas complètement vrai. Le dernier texte de Cohen, c'était un texte sur le socialisme. Bien sûr. Non, mais Cohen est un auteur qui aurait pu, peut-être dû, figurer dans la sélection. Non, après, il y a aussi une question de place et de c'est tout à fait clair. Du coup, là, ça donne. Je le mentionne en passant, mais ça donne un prisme parce que on élimine toute la philosophie politique normative. Et c'est vrai. Ceux qui ont une approche un peu normative, enfin, par exemple, Amartya Sen n'est pas non plus dedans. Enfin, tous ces courants-là sont d'emblée exclus. Et du coup, je trouve que ça fige pour le débat français une réception qu'on a de cette philosophie politique normative américaine qui peut être radicale, critique. Non, bien sûr. Bien sûr. Et dont les rapports avec ce que on appelle ou j'appelle pensée critique sont flous d'une certaine manière, ils y appartiennent sans y appartenir. Quoi. C'est, mais ils ont un interlocuteur important pour beaucoup quand même, enfin de certains d'entre eux, qui est Rawls, quoi. Absolument. Ouais. Non, tout à fait. Le bouquin n'a évidemment pas vocation à être exhaustif et il a vocation à être. Peut-être une petite question. Auriez-vous pu parler un peu plus sur le mot cartographie ? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment vous essayez d'expliquer les changements en fait, après la chute du mur, si j'ai bien compris, comme étant les moments où les mouvements sociaux n'étaient plus articulés avec la pensée politique. Alors, quelle cartographie avons-nous aujourd'hui sur la pensée critique, ou quelle croyez-vous qu'on a aujourd'hui ? Et pouvez-vous aussi dire un peu plus sur la pensée postcoloniale, surtout de l'Amérique latine aussi, qui s'appelle la pensée décoloniale, n'est-ce pas ? Parce que si bien elle est articulée dans l'expérience nationale, et continentale, a aussi une vision globale. Alors je vois pas pourquoi il n'a pas des exemples. Pourquoi vous trouvez plus des exemples qui puissent faire cette articulation de la théorie, c'est-à-dire de mouvements de base, pas forcément dans la figure ou dans la constitution du Parti communiste, mais quand même un mouvement de base qui inspire des théories et vice-versa. Non, non, il peut y avoir de l'inspiration de la théorie vers la pratique et inversement, c'est pas du tout je pense, possible. Mais ce que je dis simplement, c'est que si on prend le cas, par exemple, de la pensée décoloniale, bon, c'est des gens qui sont, pour beaucoup, des gens qui évoluent dans l'université, notamment aux États-Unis. Je pense par exemple à Walter Mignolo, je pense à Aníbal Quijano, qui sont des gens extrêmement intéressants, mais qui, à ma connaissance en tout cas, sont loin d'être des dirigeants d'organisation. C'est simplement ça que je remarquais, contrairement à l'exception que j'évoquais, qui est Alvaro García Linera, qui est peut-être le seul à avoir une influence sur des processus politiques larges, quoi. Quoi qu'on en pense, par ailleurs, on peut être en désaccord avec ce qu'il fait, c'est même pas tellement la question. Mais je veux dire, il a un véritable statut de dirigeant politique du type de celui qui était celui de Lénine, de Rosa Luxembourg, de Trotsky, quoi. Mais évidemment, dans des conditions qui sont tout à fait différentes. Mais c'est pas du tout le cas de Mignolo ou de Quijano, à ma connaissance, qui sont des universitaires, et qui plus est, des universitaires qui sont très orientés vers les États-Unis. Mignolo, il est en poste en Californie, et Quijano, il fait l'aller-retour entre la Californie et l'Amérique latine. Donc c'est simplement ça que je constatais. C'est tout. La pensée décoloniale, c'est très intéressant, c'est très important. Ça vient à la fois d'une tradition spécifiquement latino-américaine de réflexion sur les conditions de la libération, de l'indépendance, et ça vient aussi d'une réception des subalternistes indiens en Amérique latine. Il y a des traductions de volumes des subalternistes indiens qui, sans passer par l'Europe, sont allés directement en Amérique latine, notamment en Bolivie. Donc c'est très intéressant la manière dont une pensée peut circuler du sud vers le sud. Et être reçu sans la médiation d'une certaine manière. Donc c'est des circulations contradictoires, quoi. D'une certaine manière, il y a un pôle attracteur qui reste les États-Unis, mais de l'autre, on assiste à une mondialisation des pensées critiques aussi, en ce sens que peut-être qu'à l'avenir, de plus en plus, les circulations se feront du sud au sud, quoi. Si bien qu'une pensée décoloniale latino-américaine, celle des gens qu'on évoquait, peut subir également directement, sans passer par les États-Unis, l'influence de gens comme Ranajit Guha ou Dipesh Chakrabarti, ou des gens, des Indiens, quoi, des subalternistes indiens. Donc ça c'est me semble-t-il une caractéristique peut-être qui se verra de plus en plus. Donc voilà, sur ce qui est de la cartographie, j'ai pas très bien compris votre question, mais en gros, moi l'objectif dans le bouquin, il a consisté à essayer simplement de mettre sur une carte les différentes pensées critiques, les différents courants de pensée critique tels qu'ils existent à l'heure actuelle, et d'essayer de montrer quels sont les courants dominants, quels sont les courants qui sont présents mais minoritaires, et comment est-ce que tout ça se comporte vis-à-vis de mouvements sociaux comme le mouvement altermondialiste, le mouvement de la justice climatique, le vieux mouvement ouvrier, etc. Ce que j'appelle cartographie, c'est tout simplement ça, c'est une manière de disposer sur une carte ce qui existe à l'heure actuelle, sachant qu'une cartographie, encore une fois, c'est jamais exhaustif, c'est toujours contestable, mais c'est un début pour essayer de progresser dans la caractérisation à la fois d'une période, du point de vue politique, et d'une situation intellectuelle, d'une conjoncture théorique, quoi. C'est ça, tout simplement. Une cartographie, c'est au sens presque littéral, quoi. C'est une carte où il y a les marxistes analytiques, où il y a les subalternistes, où il y a etc. Et j'ai, dans la mesure du possible, essayé de trouver un exemple parlant, à ma manière, disons, subjectivement, de chacun de ces courants, quoi. Mais il en manque, évidemment. Il manque des courants, et puis il y a des courants qui sont davantage représentés parce qu'ils ont ma préférence, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas un rapport forcément avec la géopolitique qui pourrait être derrière la trace de cartes. Si, il pourrait y avoir un rapport avec la géopolitique, certainement. Le fait que les États-Unis soient la première puissance du point de vue de les pensées critiques, je veux dire du point de vue du nombre de penseurs critiques dans l'université, n'est pas étranger au fait que les États-Unis sont une superpuissance aussi du point de vue économique et du point de vue géopolitique. Donc c'est des histoires qui ne sont pas complètement déconnectées l'une de l'autre. Après, c'est pas un rapport de terme à terme, d'une certaine manière. Vous pouvez avoir des puissances déclinantes sur le plan intellectuel, et des puissances montantes, et inversement, des puissances qui continuent à être hégémoniques sur le plan économique. D'ailleurs, quelque chose qui manque, mais qui sera présent dans une seconde édition, c'est tout ce qu'on appelle la nouvelle gauche chinoise, qui est mentionnée en passant, mais qui aurait dû faire l'objet d'un chapitre. Il y a aujourd'hui en Chine, aux marges du marxisme, aux marges du parti communiste, tout un tas de penseurs extrêmement intéressants, qui renouvellent les pensées critiques, aussi bien en empruntant à la tradition spécifiquement chinoise de marxisme, le maoïsme ou certaines variantes de maoïsme, mais aussi en opérant une sorte de réception typiquement chinoise du post-structuralisme, d'auteurs comme Foucault, Derrida, Deleuze, etc., qui sont aussi lus, comme Jameson, qui sont aussi lus en Chine, et qui font l'objet d'une retraduction ou d'un travail dans ce contexte-là. Donc, que des pensées critiques intéressantes, novatrices et à l'avenir influentes soient produites en Chine n'est évidemment pas étranger au fait que la Chine est une puissance mondiale en devenir, évidemment, qui a un rapport avec la géopolitique et l'économie. Mais ce n'est pas, un rapport, disons, terme à terme, encore une fois, pour le récupérer. Mais ça a un lien, évidemment, je pense. Moi, j'ai pendant ma journée. La question, c'est pour. Juste s'amuser à essayer de refaire cette cartographie à partir du concept de domination qui est quand même celui qui est au cœur du séminaire. Donc moi, en lisant le bouquin, en prenant des passages pour voir un petit peu comment ça apparaît de façon incidente, parce que c'était pas du tout l'objectif de l'ouvrage, mais j'ai eu l'impression qu'on pourrait presque redessiner un tout petit peu la typologie en essayant de regarder le type d'articulation qu'on fait entre domination qu'on fait comme exploitation, qui va apparaître chez des marxistes, relecteurs de Marx, y compris chez Zizek, qui vont mettre l'accent avec une forme de supériorité de cette thématique-là de la domination comme exploitation sur d'autres formes de domination, et puis d'autres qui sont dans une logique d'une domination qui se comprend sous plusieurs formes, on ne peut pas forcément faire cette même hiérarchie. Est-ce que vous pourriez vous amuser à resituer cette carte à partir de ça? Oui, l'histoire que je raconte dans le bouquin, et qui est une histoire un peu faite de lieu commun, il faudrait préciser évidemment, mais bon, je vous la livre et puis on la critique, c'est que dans le mouvement ouvrier, il y a une centralité du concept d'exploitation, rapport capital-travail, et puis, dans les années 60-70, les fronts secondaires, comme on disait autrefois, se multiplient, et puis, disons, le rapport capital-travail, c'est-à-dire l'exploitation au sens de la captation de la plus-value, cesse, en tout cas perd une partie de sa centralité au bénéfice d'autres formes de domination qui ne sont plus spécifiquement économiques. Bon, c'est un peu facile de dire les choses comme ça, c'est plus complexe, mais bon, en réalité. Et donc la domination se substitue d'une certaine manière à l'exploitation, et elle devient plurielle d'une certaine manière. La théorie de la domination de Pierre Bourdieu est exemplaire de ce fait. La domination pour Pierre Bourdieu, c'est les formes de répartition inégalitaire des capitaux, capital économique, culturel, etc., selon le champ social dans lequel vous vous trouvez. Il n'y a pas de spécificité particulière du champ économique sur les autres. Autrement dit, pas chez Pierre Bourdieu de concept d'exploitation. Okay. Il me semble, moi, c'est ce que vous avez dit là, c'est que le concept de domination est aujourd'hui le concept dominant dans les pensées critiques. C'est-à-dire que c'est sous la forme de la domination qu'est pensée la question du pouvoir, plus que sous la forme de l'exploitation au sens marxiste du terme. En même temps, donc ça c'est, je pense, le concept hégémonique, il me semble. Après, j'ai pas fait une enquête spécifique sur ça, mais je pense que ça, on peut le défendre. Après, par rapport à ça, il y a trois réactions, me semble-t-il. Il y a d'abord une réaction que vous avez évoquée, qui est la réaction marxiste, qui consiste à contester à la domination cette place hégémonique au profit d'une réhabilitation du concept d'exploitation. Il y a au moins trois occurrences de ça. Zizek, à sa manière inimitable, Eric Olin Wright, qui vient du marxisme analytique, et il y a aussi aujourd'hui en France quelqu'un qui fait ce travail-là, qui est Luc Boltanski, étrangement, quelqu'un qui vient de Bourdieu et qui, à sa manière aussi inimitable, essaye de réhabiliter le concept d'exploitation en disant que l'exploitation, c'est quand même autre chose que la domination, en sens bourdieusien, d'un machin homogène qui vaut pour tous les champs sociaux. Quoi. Alors, ce serait intéressant de discuter avec Boltanski de ça. Pourquoi est-ce que pour lui ça veut dire un retour au marxisme ou à une certaine forme de marxisme contre Bourdieu, c'est-à-dire contre sa propre trajectoire d'une certaine manière. Donc ça, c'est une première réaction, ça. C'est ce qu'on pourrait appeler l'axe Eric Olin Wright, Zizek, Boltanski, qui est un drôle d'axe, quoi. Ensuite, il y a un deuxième axe qui est une critique du concept de domination par des gens comme Haraway ou Latour. Latour, je ne parle pas vraiment, mais j'en parle dans une longue note de bas de page en disant qu'en gros j'ai préféré privilégier Haraway parce que pour des raisons diverses. Bon, Latour est quelqu'un de complexe. D'ailleurs, dans ma thèse sur le constructivisme, j'ai beaucoup travaillé sur Latour, c'est aussi pour ça. J'ai beaucoup fréquenté son séminaire. Et donc là, il y a une critique du concept de domination qui est toute la critique latourienne de Bourdieu, quoi, de l'idée que appliquer le concept de domination au monde social, c'est s'interdire de le comprendre. Ce qu'il faut, c'est suivre c'est ce qu'il appelle la théorie de l'acteur réseau. Donc, c'est suivre les actants, et ne pas se poser la question de la domination, parce que si on pose d'emblée la question de la domination comme grille de lecture du monde social, ben, on s'interdit d'une certaine manière de connaître toutes ces affaires. Donc ça c'est une deuxième. Donc là, il ne s'agit pas de réhabiliter l'exploitation contre la domination, mais il s'agit de critiquer la domination en tant qu'elle nous empêcherait de comprendre le monde social de manière un peu sérieuse. Puis Il y a une troisième position qui est ni la première ni la seconde, c'est la position de Rancière, je pense, qui est la critique de la figure du maître. Et par l'entremise de la critique de la figure du maître, la critique de la domination, dont l'une des formes est la maîtrise, d'une certaine manière. Ça, c'est encore une autre affaire, ça. C'est encore une autre affaire. C'est-à-dire, dans l'axiomatique de l'égalité des intelligences de Rancière, vous avez une volonté, l'égalité des intelligences, ça veut dire y compris dire que le point de départ ne doit pas être celui de la domination. On peut admettre qu'il existe de la domination, bien entendu, mais le point de départ de toute politique émancipatrice, c'est un point de départ où l'on fait le postulat de l'égalité des intelligences, c'est-à-dire de la non-domination. Même si c'est un point de vue hypothétique, Rancière évidemment ne nie pas qu'il existe de la domination, mais c'est un point de vue hypothétique, où l'axiomatique en d'autres termes, l'axiomatique émancipatrice de base est celle qui nie la domination. C'est évidemment très contestable, mais c'est intéressant. Donc en gros, le tableau d'ensemble serait le suivant, c'est on passe à une situation où la domination est le concept hégémonique par rapport à l'exploitation, mais il y a une contestation par ces trois secteurs de la critique, me semble-t-il. Faut voir de quoi l'avenir sera fait de ce point de vue-là. Il faudrait faire une relecture de toute cette affaire par l'entremise de cette problématique. Je crois que c'est assez compliqué. Il faudrait voir comment on parle de domination, par exemple, chez les subalternistes en Amérique latine. Comment on parle de domination chez les gens qui sont inspirés par Deleuze, etc. Tout ça, à mon avis, c'est très. Ce serait une clé d'entrée intéressante dans cette problématique. Pour articuler les deux dernières sous-parties de la deuxième partie, système-sujet, c'est-à-dire comment est-ce que ça joue plus ou moins selon qu'on est dans une. D'approche systémique ou d'une approche par le sujet. Parfois, certains mêlent les deux, comme David Darby. Il me semble que là, il y aurait peut-être des coefficients donnés à exploitation-domination ou domination, et autrement, qui seraient différents. Oui, effectivement, là, il faudrait. Ouais. Donc, l'hypothèse serait que les penseurs, les gens qui insistent sur sujet, sont des gens qui sont pas nécessairement intéressés par la domination. Ou qui sont pas. Qui sont pas intéressés sous sa forme. Exploitation, domination liée à des structures en place. Ouais, ça, effectivement, ce serait une. Est-ce qu'il existe par exemple des concepts de domination? Est-ce que je sais pas, tu voulais. Faudrait lire ça. Une question hors sujet. Totalement hors sujet. Sujet simplement parce que ça elle porte pas sur l'objet mais sur un autre objet qui relate de la même approche en fait mais qui est l'objet complètement différent. C'est pas les analyses critiques ou les théories critiques, c'est au contraire l'inverse. C'est-à-dire le formidable essor finalement de la révolution libérale depuis les années 80. Est-ce qu'on a un équivalent d'analyse sociologique qui montrerait une cartographie finalement avec à la fois les lieux de production, avec à la fois les institutions de production, avec à la fois les modes de diffusion, avec à la fois les relais de diffusion, etc., qui montrent de quelle manière finalement entre les formes très classiques du libéralisme finalement défendues entre les années 50 et les années 70 et les formes de libéralisme radical qui ont émergé fortement à partir du milieu des années 70 qui ont cessé de s'affirmer, on a là aussi un mouvement à tentative hégémonique finalement qui tente d'imposer toute une série de logiques, de détricotage en gros depuis l'État-providence jusqu'à l'ensemble des institutions de solidarité sociale. Donc est-ce qu'on aurait l'équivalent d'une analyse sociologique de la production des idées dans cet autre contexte-là? Il y a beaucoup d'histoires du néolibéralisme. Il y a par exemple David Harvey qui a fait une brève histoire du néolibéralisme qui est assez intéressante. C'est la société du Mont-Pèlerin, toutes ces affaires-là, dans leur Hayek, Popper, tout ça dans leur rapport avec des hommes et femmes politiques comme Thatcher et Reagan. Bon, il y a le bouquin de Harvey, il y a des choses qui ont été produites aussi du côté des Bourdieusiens. Ouais, c'est ça. Keith Dixon, les évangélistes du marché. Donc, je crois que l'histoire du néolibéralisme, elle est assez bien connue du point de vue intellectuel. Après, est-ce qu'il y a eu des enquêtes sur les médiations conservatrices, pourrait-on dire? Ça, je sais pas. C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il y a des sociologues, peut-être aux États-Unis, à ma connaissance en France, non. Mais qui auraient pris pour objet justement les médiations conservatrices, c'est-à-dire notamment toutes les institutions intellectuelles qui ont essayé de traduire Hayek pour le commun des politiciens. Ça, sans doute que ça a été fait. Après, ce qu'il y a aussi, c'est des enquêtes qui portent sur des penseurs conservateurs. Et notamment, là, il y a une place de choix qui a été accordée, il faudrait réfléchir pourquoi, qui a été attribuée à Carl Schmitt, bien sûr. Carl Schmitt, qui est un penseur central, non seulement dans la pensée conservatrice contemporaine, mais peut-être davantage encore dans les pensées critiques actuelles. Il y a un bouquin de Jean-Claude Monod, qui s'intitule « Penser l'ennemi, affronter l'expression, l'exception ». Pardon, affronter l'exception. Ouais. Et c'est sur Carl Schmitt. Et il y a tout un chapitre sur ce qu'il appelle les néo-schmittiens de gauche. Negri, Agamben, Balibar, je ne sais plus, il y en a 3-4. C'est-à-dire des gens qui lisent Schmitt depuis la gauche et ils s'interrogent sur pourquoi est-ce que Schmitt est devenu quelqu'un d'aussi important du point de vue des pensées critiques contemporaines, des pensées critiques de gauche contemporaine. Notamment tout ce qu'il montre, c'est que, c'est très intéressant d'ailleurs, il fait une histoire intellectuelle de Schmitt et il montre que Schmitt lui-même a été initialement influencé par des gens de gauche. Schmitt était un grand lecteur de Lénine, de Mao y compris, de Trotsky, donc il avait une connaissance assez nette de l'histoire du marxisme et du mouvement ouvrier. Schmitt pensait notamment que le marxisme était important et grand en ceci qu'il avait inventé une nouvelle forme d'ennemi, l'ennemi de classe, et que donc il avait une position importante. Donc d'une certaine manière, quand les néo-schmittiens de gauche contemporains découvrent Schmitt, ils redécouvrent les influences qu'avait subi Schmitt, qui étaient celles de... C'est ça l'hypothèse de Monod. Hypothèse assez intéressante, me semble-t-il. Donc voilà, après, je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent... parce que, par exemple, il n'y a pas de lecture de Hayek depuis les pensées critiques contemporaines. Perry Anderson a écrit des textes consacrés à Hayek, qui sont des textes de démontage, d'une certaine manière, de la pensée hayekienne, mais lui-même n'est évidemment pas un hayekien. En revanche, on peut dire, dans une certaine mesure, que quelqu'un comme Agamben a été influencé par Schmitt, et que c'est un schmittien dans Homo Sacer, en tout cas, que sa notion, ou dans, je veux dire, dans l'état d'exception. L'état d'exception. Donc là, il y a vraiment une problématique schmittienne qui fait d'Agamben en partie un schmittien, d'une certaine manière. Alors que Pierre Anderson n'est pas du tout un manichéen, dans ce sens. Donc voilà, donc sur, je pense que sur l'histoire du néolibéralisme, on est bien équipé. Après, sur le néoconservateur, par exemple, il y a assez, à ma connaissance, assez peu de choses, le mouvement néoconservateur. Enfin, j'en sais rien en réalité, mais j'ai vu passer aussi peu de choses. Mais... Voilà. D'autres questions? Oui, Cécile. Juste une question sur le temps. En fait, moi, j'avais pas eu cette perception qu'il était en train de devenir un concept d'exploitation. Mais je connais pas très bien, mais dans de la critique, moi, j'avais plutôt l'impression que... Alors, vous décrivez une trajectoire un peu retour à Marx contre Bourdieu. Ouais. Moi, j'avais plutôt l'impression que c'était un espèce de retour déguisé à Bourdieu, parce que j'ai l'impression que quand même, il accordait du crédit de manière nouvelle au concept de domination, mais avec cette volonté de réhabiliter une réflexion sur l'État et de produire en fait une pensée critique qui se refocalise sur une analyse de l'État comme institution et donc une sociologie de l'État comme production d'une forme caractérisée de domination qui faudrait spécifiquement. Et c'est peut-être ça que vous appelez exploitation. Oui, non, mais ceci dit, je suis d'accord, il y a un retour à Bourdieu, et bon, en gros, il a fini de régler ses comptes avec Bourdieu, maintenant il peut le lire de manière un peu tranquille, je pense qu'il y a aussi, par cette entremise, une sorte de retour à Marx, et au, je pense, à un concept voisin de celui de Marx, l'exploitation. J'attire juste votre attention sur un fait, je pense que le bouquin qui a réhabilité le mot, ou remis en circulation plus exactement le mot de capitalisme à la fin des années 90, c'est Le Nouvel Esprit du Capitalisme de Boltanski et Capello, qui paraît en 99. Avant ce bouquin, à ma connaissance, dans la décennie qui a précédé, le mot capitalisme avait pratiquement disparu de l'espace public français en tout cas. On parlait évidemment d'économie de marché, d'économie sociale de marché, on parlait de tout ce que vous, des marchés financiers, de tout ce que vous voudrez, mais quel bien. Je pense que c'est vraiment Boltanski a un rôle intellectuel dans cette affaire qui est quand même, peut-être malgré lui d'ailleurs, ce serait intéressant d'en discuter encore une fois avec lui, mais je pense qu'il a un rôle intellectuel qui a consisté à réarmer une analyse du capitalisme comme totalité ou comme phénomène qui, d'une certaine manière, serait un phénomène pas seulement partiel, des marchés construits de telle manière, etc., mais qui serait un phénomène qui a une dynamique propre et qui est un système d'ensemble, quoi. Évidemment, Le Nouvel Esprit du Capitalisme est très weberien comme bouquin, ou hirschmanien aussi, donc c'est pas seulement, même pas principalement, un bouquin marxiste, mais je pense que, comment dire, il y a quelque chose comme un marxisme involontaire chez lui, pourrait-on dire. Mais là, il faudrait vraiment le questionner, je pense. En même temps, on pourrait dire que le dernier Boltanski est aussi un authentique qui critique les orientations qui pouvaient se dégager parfois, peut-être, de Le Nouvel Esprit du Capitalisme. Ouais. On avait un capitalisme qui est capable de recycler cette invention comme ça du social, où les phénomènes d'exploitation et de domination pouvaient paraître plus masqués en quelque sorte. Ouais. Sa thèse, c'est que Le Nouvel Esprit du Capitalisme est un bouquin qui n'est plus valide, en fait, ouais, qui était valide pendant une dizaine d'années pour une portion de la planète, je veux dire l'Europe occidentale, les États-Unis, mais qu'on assiste à l'heure actuelle à des retours à un retour en force du fordisme et des formes d'exploitation les plus 19e siècle, quoi, les plus marxiennes, de l'époque de Marx. Donc c'est très intéressant, oui, de ce point de vue-là. Mais, ouais, je sais pas. Là, il faudrait faire une histoire de son œuvre. Il faudrait voir quel rapport à la politique il tente de réhabiliter à l'heure actuelle. Il s'est investi politiquement, vous avez dû suivre ces affaires-là, y compris contre l'avis de certains de ses disciples. Donc c'est assez marrant en plus. Et donc voilà, tout ça, c'est. Il faudrait faire un portrait ou une généalogie ou une histoire de ses idées un peu plus systématique. Mais je crois qu'il y a un filon marxiste là-dedans. Mais qui était chez Bourdieu? Alors ça, je sais pas, le filon marxiste chez Bourdieu. Histoire, je travaille sur Gramsci, là, je vais sortir une anthologie des cahiers de prison. Et j'ai demandé à Boltanski, il y a évidemment une affinité entre Gramsci et Bourdieu qui est très nette. Quand on lit les deux, on a l'impression que... Alors j'ai demandé à Boltanski si Bourdieu avait lu Gramsci. Il m'a répondu non, et il a ajouté que Bourdieu n'avait pas même lu Marx, en fait. À l'exception de l'idéologie allemande. C'est manifeste. Avec le site Gramsci. Bourdieu, c'est Gramsci. Ouais. Ah, en tout cas, l'hypothèse de Boltanski consiste à dire que Bourdieu n'était pas un grand lecteur de ces affaires-là, que Gramsci l'avait pas lu, que Marx il avait lu que un ou deux trucs, disons, rapidement, entre deux enquêtes dans des musées. Donc, voilà. Bon, et à voir, hein, à préciser, évidemment. Non, ça ne veut pas dire que Bourdieu n'était pas imprégné d'une certaine atmosphère marxiste par laquelle certains concepts de Marx, évidemment, ont pu passer. Mais de là à ce qu'il ait lu sérieusement Le Capital et les Grundrisse, ça, je ne sais pas. C'est pas à voir, quoi.